Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Le plan d'aujourd'hui a assemblé à Truki. On commencera la semaine comme on la termine habituellement avec une grosse pointe d'adresse. Et je vais essayer de rendre votre lundi un peu moins maussade avec ma chronique Tania is gonna entertain ya. Je te fais confiance. Assemblage Rocky commence tout de suite. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Son Lève Requis en ce lundi 26 février 2018. On est à 60 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de Sifou à Trois-Rivières. On a presque l'air en forme aujourd'hui. Ben, écoute, hein, c'est lundi. C'est lundi pour tout le monde. Fait soleil. Oui, vraiment. Il commence à faire de plus en plus soleil tôt. Sais-tu, j'ai entendu aujourd'hui les oiseaux. Oh oui, moi aussi. Sorti chez moi à 6h20. Parce que qu'est-ce que vous faites? Il fait encore frais. Ouais, c'est ça. Et pourquoi qu'ils reviennent? T'sais, ils pourraient juste rester là où il fait chaud, non? Ouais, ben, on commencera pas à se demander pourquoi. C'est ça. Fait que, je sais pas. Ils font où ils font, à titre. Leur budget leur permet pas ça. C'est ça. Hein, leur petit Winnebago en Floride, là, c'est juste pendant l'hiver. Hein? Mm-hmm. Je sais pas. Bref, c'est ça. Belle petite journée aujourd'hui qui commence. Belle semaine pour nous. On est de retour après une petite absence jeudi passé qui a failli continuer aujourd'hui. Mais, Colin, on a persévéré. Hein? L'émission contractuellement a lieu en ce matin. En ce oui, matin. Exactement. Nous remplissons notre tâche. Sachez que nous sommes là. C'est ça. Jeudi, j'étais malade. Et je suis encore. Mm-hmm. Tout avait mal à la gorge, c'est encore le cas? Mal de gorge, manque de sommeil. J'ai de la com. C'est ça, exactement. Mais autre synonyme. Tout à fait. On est là ce matin, on est là. Eh ouais, on est là. Ça veut pas dire qu'on va être bon. Non. Mais on va être là. Mais on va être là. C'est ça. Aujourd'hui, à l'émission, d'ailleurs, je pense qu'il y a d'autres gens qui étaient occupés et ou malades et ou pas envie de venir. J'imagine. Tout le monde a annulé aujourd'hui. Oui. Absolument tout le monde. Donc, Léa Tessier sera pas avec nous à 7h30 pour sa chronique musicale Mashup. Elle va être de retour la semaine prochaine. On n'aura pas non plus Marc Gagné. Non. Non. Avec sa chronique de niaiserie de la vie. Hein? Et on n'aura pas Marc Lachance non plus avec ses nounouneries, lui. Hein? On n'aura pas ces gens-là du tout. Mais ben non, il y a toi et moi ce matin. Toi et moi. Un lundi, comme dans le bon vieux temps. C'est ça, comme à l'époque où on n'avait personne le lundi. Hein? C'est ça, exactement. On va se jouer de la musique et se faire des petites chroniques maison. Plus tard, tu vas nous faire Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce que tu nous réserves? Bien, Mathieu, on l'a dit, on fait une grosse pointe à l'adresse aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais être peut-être dans la thématique ou peut-être pas, mais très, très près du moins. On est rendu à la fin février, ce qui veut dire qu'il reste exactement 2 jours aux 28 jours sans alcool. Ouais. Alors, je discuterai d'alcool. Ben c'est fantastique. Moi aussi, je me suis inspiré de notre collègue spécial Une grosse pointe d'adresse qui va avoir lieu plus tard pour préparer un petit son foutu palmarès. Oui. Avec des trucs à boire dedans. Uh-huh. Hein? Tu l'as dit, donc, Une grosse pointe d'adresse. Pourquoi une édition spéciale? Ben parce que justement, si on attend un jeudi, le mois 28 jours sans alcool va être terminé. Oui. Donc, ça servira à quoi de boire une boisson sans alcool? Je sais bien pas. Hein? C'est ça. Donc, on va faire ça aujourd'hui à la place parce qu'on a du temps. Voilà. Donc, Une grosse pointe d'adresse, comme toujours, vers la fin de l'émission, accompagnée de quelques nouvelles de fast food. Mais avant ça, en musique, entendons une nouvelle pièce du palmarès francophone. C'est par Loïc April. Voici Mes ruines sur tes décombres. C'est l'assemblage requis jusqu'à 10h. Thank you. April avec Mes ruines sur tes décombres. C'est meilleur que le titre aurait laissé penser. Ça avait l'air vraiment. Je sais. Vous êtes à l'assemblage requis. Maintenant, c'est son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa c'est la chronique, on va donner une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on parle de choses à boire, étant donné qu'on va boire ensemble à toute fin d'émission dans une grosse pointe d'adresse. On va parler un petit peu d'alcool pour ceux qui ont hâte au retour de l'alcool dans leur vie jeudi 1er mars. Oui! Ça va être là que ça va recommencer. Qu'est-ce que tu t'es fait, Stéphane? Je me suis accroché la main. Non. Ben oui, c'est pas grave. Fais pas ça. Non, je m'excuse. Bref, c'est ça, t'as pas bu encore. Mais t'as non. T'as pas bu encore de bière dans le mois de février. C'est ce qu'on fait tous les deux, toi et moi. On fait le mois 28 jours sans alcool. Donc, parlons un petit peu de bière Guinness pour ceux qui veulent se donner hâte au 1er mars. Mm-hmm. La bière Guinness, t'as vu sur les pintes, sur les bouteilles, peu importe. Y a-tu des bouteilles? Les cadettes, par contre. que c'est marqué Established 1759. Donc, tout le monde sait à peu près que ça date de 1759. Oui, hein, oui. C'est écrit en dessous Brewed in Dublin, donc ça a été fait à Dublin. Donc des choses qu'on connaît déjà, mais il y a plein de choses qui sont cachées derrière ça. Ah oui? Ouais, Guinness, qui est dans tous les pubs irlandais depuis presque 260 ans. Donc les Guinness Storehouse Archives qui sont ouvertes au public et d'ailleurs sont remplis d'artefacts intrigants qui racontent quelques petites histoires sur la Guinness, donc on va en parler un petit peu. Commençons par le bail de leur micro, peut-être pas le micro, mais de leur brasserie à Dublin, était supposé durer 9000 ans. OK. En 1759, le fondateur Arthur Guinness a signé un bail pour une propriété de 4 acres à St. James Gate à Dublin. Le bail qui demandait un paiement de 100 livres sterling, un loyer annuel, annuel de 45 livres et un terme donc de 9000 ans, comme on disait, 9000 ans, c'est très très long. Ces bails-là étaient quand même communs à cette époque-là. À ce moment-là, en Irlande, il y avait beaucoup d'instabilité par rapport au terrain. Donc, c'est pour ça qu'on a signé pour 9000 années. Le gérant des archives, gestionnaire des archives chez Guinness, a dit ça. C'est donc Fergus Brady. Quelques siècles auparavant, les Britanniques avaient commencé à confisquer les terres des Irlandais natifs pour essayer de faire des plantations. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des longs bails qui étaient faits pour éviter cette destinée. Fergus Brady explique qu'on voit ces longs bails fréquemment, 99 ans des fois, 999 ans. C'était une coutume légale à ce moment-là. Ils utilisaient souvent le nombre, le chiffre 9. Mm-hmm. Arthur Guinness, justement, qui n'avait pas peur de défendre sa propriété. En 1775, la Dublin Corporation, ça c'est le gouvernement de la ville, a demandé à Arthur Guinness de payer pour l'eau de source qui se rendait jusqu'à sa brasserie. OK. Lorsque Guinness disait qu'il payait déjà pour les droits de l'eau via son bail de 9000 ans, la Dublin Corporation a envoyé un shérif et un comité à sa brasserie pour essayer de couper l'eau. Guinness était vraiment fâché, donc il a pris une pickaxe, là, c'est comme un genre de petite hachette. Et puis il a commencé à crier des obscénités si colorées que les goons de Dublin Corporation finalement ont fini par se retirer. Oh, OK. Ouais. Pickaxe, on appelle ça une pioche des fois. C'est comme une genre de petite... comment j'appellerais ça? Une pioche. Comment tu décrirais ça, toi? Un truc avec un genre de pic? Ben, c'est une pioche. Une pioche. Il n'y a pas d'autre mot. C'est comme une hache, mais plus mince. Ouais. Si on veut. Bref, ensuite, Guinness a déjà envoyé des agents pour attraper les contrefaçonneurs. Ouais. Au 19e siècle, ça n'existait pas une constance de marque, donc il faut tout le temps avoir la marque pareille. Guinness n'embouteillait pas sa propre bière. À la place, il les envoyait ça dans des barils de bois. Okay. Les gens fournissaient leurs propres bouteilles et appliquaient leurs propres étiquettes personnalisées, donc ceux qui revendaient la bière. À l'occasion, ces gens-là vendaient des Guinness qui n'étaient pas réels, qui n'étaient pas vraiment fabriqués par Guinness. Oh. Donc, pour empêcher ces ventes-là, la compagnie a envoyé des agents spéciaux, des travelers, des voyageurs, littéralement, sur le terrain pour aller ramasser des échantillons de bière qu'ils testaient en laboratoire. Et puis, si finalement c'était une Guinness fausse, ils devaient, ceux qui les avaient revendus, faire une excuse en public dans le journal local. Et même dans le journal national. Wow. C'est pas une si grande amende. Non, c'est ça. Pendant 21 ans, la compagnie engageait un gars pour voyager autour du monde et boire de la bière. OK. En 1899, Guinness a engagé un ex-brasseur américain nommé Arthur T. Shand pour être le Guinness World Traveler. C'était donc un job pendant 21 ans qu'il avait. Il voyageait partout dans le monde pour goûter des bières. Selon lui, son travail, c'était de voyager partout dans le monde et goûter de la Guinness, dire s'il était bonne ou mauvaise, qui étaient les embouteilleurs dans le marché, qui était leur compétition principale et quel genre de gens buvaient les produits. Donc, c'est un genre de sommelier de la Guinness. Il a voyagé partout en Australie, en Nouvelle-Zélande, le sud-est de l'Asie, l'Égypte. Quand même bien. Hein? Ben oui. Ensuite, le logo avec une harpe. Tu connais le logo avec une harpe de Guinness? Oui, tout à fait. Ben, ça a causé des problèmes avec le gouvernement irlandais. La harpe celte, basée sur la Brianbury Harp du 14e siècle et préservée présentement au Trinity College. C'est devenu une marque de commerce pour le logo de Guinness en 1876. 45 ans plus tard, lorsque l'Irlande a pris l'indépendance de l'Angleterre, l'État libre, Irish Free State, a décidé d'utiliser la même harpe pour son emblème officiel. C'est devenu un petit malaise entre les deux parce que Guinness avait la marque de commerce et le gouvernement irlandais devait trouver une échappatoire, une entourloupette. Et leur solution est sur la pièce de l'euro irlandais. Si on regarde la pièce, on remarque que le côté droit de la harpe fait face à la droite, alors que sur le logo de Guinness, c'est à gauche. Ouais. Wow. Ça change tout. En effet. Guinness aurait sauvé des vies sur le champ de bataille. Leur slogan « Guinness is good for you », « Guinness, c'est bon pour vous », je sais pas si c'est vrai, mais quand même, c'est ça, c'est du marketing, mais ça vient en fait d'une croyance que la bière était en fait un tonique qui ramenait la force. C'est pochu. Beau petit pep talk. ça date de 1815, où un officier blessé lors de la bataille de Waterloo a donné une mention spéciale à Guinness pour s'être remise en forme. Pendant des décennies, la communauté médicale croyait que la bière foncée noire possédait des avantages, des bénéfices pour la santé. Ils n'avaient pas nécessairement tort, nous dit-on. Il y avait très peu d'eau qui était potable à ce moment-là, mais avec le brassage de la bière, les gens savaient qu'ils allaient avoir un breuvage qui était conforme aux règles et qui était meilleur pour la santé que l'eau qui n'était même pas potable. Mm-hmm. La compagnie a justement créé une recette spéciale pour ceux qui étaient en convalescence. À des années 1880 aux années 1920, Guinness produisait la Nourishing Export Stout, aussi connue sous le nom de Invalid Stout, donc vraiment littéralement une stout pour les invalides, qui contenait plus de sucre, d'alcool et de solide. Hein? Et ça venait dans une petite bouteille d'un tiers de pinte, toute mignonne. Hein? Oh. C'était pratique et c'était une pratique commune à l'époque pour que les gens achètent donc des petites bouteilles et gardaient ça comme du tonique, même si c'était juste un verre ou un demi-verre pour plus tard quand on était malade, un peu comme aujourd'hui on garde des fois de la boisson gazeuse flat pour quand on est malade. Ben c'était la même chose avec de la Invalid Stout. Donc, ça dit que Guinness a même demandé aux médecins des petits témoignages pour vraiment confirmer les avantages médicaux de cette bière-là. Plusieurs ont dit oui, disant qu'ils prescrivaient ça pour différentes maladies. Okay. Y a même un médecin qui a dit qu'une pinte était aussi nourrissante qu'un verre de lait. Ah, bon. Permettez-moi d'en douter, mais OK. C'est ça. C'est des médecins. C'est ça, exactement. On peut pas les contredire, mais voyons. Ouais. Les médecins, justement, on reste dans le même domaine, prescrivaient de la bière aux mères qui allaitaient. Ah? Des années 1880 aux années 1930, plusieurs physiciens croyaient que la Guinness était un galactagogue efficace, c'est-à-dire ce qui aidait à produire du lait. Hein? Donc, la compagnie envoyait des bouteilles dans les hôpitaux et un autre truc pour les migraines, là, mais bref. Des centaines, sinon peut-être même des milliers de médecins ont prescrit cette bière-là pour l'influenza, donc la grippe, l'insomnie, l'anxiété. Selon Bottle of Guinness Please, The Colorful History of Guinness. Et selon Brady, dont on a parlé tantôt, la compagnie envoyait de la bière à des hôpitaux jusque dans les années 70. Ah, oh, ouais? On a eu beau dire 1930, tantôt, ça a continué dans certains hôpitaux. La compagnie a déjà laissé tomber 200 000 messages dans des bouteilles dans l'océan. OK. En 1954, Guinness a laissé tomber donc 50 000 messages en bouteille dans l'Atlantique, dans le Pacifique et dans l'océan Indien. En 1959, ils ont répété la même cascade avec 38 bateaux qui ont laissé tomber 150 000 bouteilles dans l'océan Atlantique. La première bouteille a été découverte à côté du Portugal environ 3 mois après sa chute initiale. Et depuis, les bouteilles ont été découvertes en Californie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Et l'an dernier, il y a même une bouteille qui a été découverte en Nouvelle-Écosse. Wow! C'est au fun. Canada, ben oui. Ensuite, le personnel, les fichiers de personnel, oui, du personnel, dans les archives de Guinness contiennent quelques petits faits intéressants. Les archives corporatives de Guinness sont ouvertes au public. Et puis certaines de ces histoires-là sont incroyables parce qu'on a des dossiers par rapport à des accidents et des histoires folles de gens qui rebondissaient sur les ingrédients, donc les poches de houblon et de tout de ces trucs-là à l'extérieur de la brasserie. OK, donc les employés de chez Guinness à l'époque recevaient 2 pintes de bière par jour, c'était leur allocation, nous dit-on selon les archives. Ah! Eh bien, un scientifique chez Guinness a laissé une marque, oui, dans le domaine des statistiques. Donc, apparemment, qu'il y a un test qui est connu dans le domaine des statistiques, si vous étudiez en statistiques, qui s'appelle le Students Key Test ou le Key Statistic. C'est une méthode où on fonctionne avec un petit échantillon lorsque la déviation standard est inconnue. Je connais absolument aucun de ces mots-là, donc on va faire confiance. Mais le T-test a été décrit pour la première fois par William S. Gossett, un brasseur et statisticien chez Guinness, qui essayait d'analyser un petit échantillon d'extrait de malt. La découverte de Gossett a non seulement aidé Guinness à créer une bière qui goûtait un petit peu plus constante, donc tout le temps le même goût, mais en plus à préparer un des concepts les plus importants des statistiques, c'est la signification statistique. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, Guinness est tellement populaire en Afrique qu'ils ont lancé en fait un long-métrage. Guinness a commencé à exporter la bière en Afrique en 1827. Dans les années 60, ils ont ouvert une brasserie, une microbrasserie, en tout cas peu importe, au Nigeria, suivi par le Cameroun et par le Ghana. De nos jours, il y a apparemment plus de gens qui boivent de Guinness au Nigeria qu'il y en a en Irlande. OK. Wow. En Irlande, en Angleterre et aux États-Unis, les gens pensent que Guinness est synonyme de l'Irlande, nous dit-on. Ouais. Mais au Nigeria, on pense pas comme ça du tout. La bière est tellement culturellement importante qu'un personnage fictif qui faisait de la publicité pour le produit, il s'appelait Michael Power. C'était un genre de James Bond, un journaliste qui combattait le crime. Oui, oui, Michael Power. Ouais, c'est ça. Et il est devenu la vedette d'un film en 2003 nommé Critical Assignment, qui a été un succès au box-office. Ah, je savais pas. Et bien sûr, il y a quelques petites mentions de Guinness dans le script, hein? Ben oui. Il y a des scènes où Michael Power boit une pinte de Guinness, c'est bien normal. C'est normal. Et finalement, de sortir de la bière avec de la nitrogène à l'époque, c'était considéré comme une idée risible. Dans les années 50, le scientifique de Guinness, Michael Ash, Michael Sandre, devait résoudre le problème du fût. À ce moment-là, sortir une bière en fût et donc une pinte de Guinness, c'était vraiment très compliqué. Et la compagnie perdait des parts de marché à d'autres compagnies en Grande-Bretagne. Et eux, leur bière pouvait facilement sortir grâce à du CO2. La stout était trop épaisse pour sortir avec du CO2 seulement. Too lively, donc elle bougeait trop, peut-être quelque chose du genre. Ah, ouais. Bref, Ash a travaillé sur le problème pendant 4 ans. Il a travaillé très très longtemps, des jours et des nuits, et il est devenu un petit peu ermite à ce moment-là. Plusieurs gens doutaient de son projet nommé Daft Guinness. Hein? Non, c'est ça. Plusieurs des gens qui doutaient de ça l'appelaient Daft Guinness, comme dans à la place de Draft pour dessus. Ah oui. Daft, comme dans un petit peu épais. Ouais. Tu comprends? Bref, mais Ash a réussi à sortir de la bière de ces fûts-là. L'ingrédient secret, c'était la nitrogène. Donc, l'air qu'on respire est à 78% composé de nitrogène. Et aujourd'hui, une bière en fût Guinness contient 75% de nitrogène. Non seulement parce que cette découverte-là fait que la bière était beaucoup plus facile à sortir du fût, mais ça a créé une sensation crémeuse dans la bouche, qui est justement la signature des Irish Stouts depuis. C'est fou, hein? Ben oui. Ouais, merci à Mental Floss pour cet article-là, qui ont eu la chance de visiter les archivistes de Guinness. Félicitations à eux. Prenons une pause musicale avant de revenir avec d'autres faits. Je vais continuer dans le même domaine. On a bien du temps aujourd'hui. Alors, on va continuer tantôt avec une liste sur le Coca-Cola. Bonne idée. Ça pourrait être intéressant. Parce que rien de mieux qu'un petit rum and coke. Non, c'est vrai. Non, c'est ça, exactement. Ça va dans le domaine. Sinon, tu fais quoi? Tu coke avec... Écoute, je sais bien pas. Un mocktail avec du coke? C'est un coke. Juste un coke, hein? Avec la glace. Avec une petite cerise, là. Ah ouais, c'est bon, ça, là. Une petite lime, une petite limette. Ah, petite limette. Bref, on écoute Crow Eats Man. Ouais, un corbeau qui mange un homme. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Avec la pièce Jaded, tout de suite, à Assemblage Requis. You're hesitating on a faith that's still. Man avec Jaded, assemblage requis. Je cherchais un petit peu Crow, là, de son vrai nom, un corvus. OK. Et en français, c'est corbeau ou corneille. Ah, bon. Ah, ça, fait que c'est ça, ça marchait. On revient dans deux minutes. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. 89.1 FM. Aujourd'hui. Daniel Duval avec Lose It à Assemblage Requis. Tu vois, t'as comme pas l'impression qu'elle s'appelle Duval. Non. Avec cette pièce-là. Daniel Duval. Daniel Duval. Oui. Mais non, voici la suite de ça. On fait Tia Palmerez. On y était tantôt, on était en pleine liste. Hein, évidemment, donc on remettra pas l'intro quand même. Alors, on parle de Coca-Cola cette fois-ci. Quelques petits faits rafraîchissants sur Coca-Cola. Hein? Évidemment, on se rappelle du sirop au Coca-Cola. C'est sûrement le fait le plus connu, je pense, sur Coca-Cola. Coca-Cola, un sirop d'eau pétillante inventé par un pharmacien d'Atlanta, Jonas Pemberton, en 1886, qui est devenu donc maintenant un rafraîchissement un petit peu partout dans le monde. On va regarder leur histoire en commençant par le fait que c'était gratuit au départ. Ah, OK. Ouais, la boisson gazeuse de Pemberton, elle devient un succès dans les fontaines à boisson gazeuse, mais c'était plus... lui, c'était plus un gars d'idées qu'un gars de marketing. Donc, Coca-Cola, pendant plusieurs années, c'était gratuit jusqu'à ce qu'un homme d'affaires nommé Asa Griggs Candler ait repris l'entreprise après la mort de Pemberton en 1888. Pour en faire parler, créer un petit buzz autour de ça, Candler demandait à ses représentants de donner des coupons qui étaient bons pour du Coca-Cola gratuit. Une fois que les gens l'essayaient, il arrêtait pas de revenir. Hein? Et après ça, c'était 5 cents par verre après. Ensuite, la célèbre bouteille en forme de quoi on pourrait dire. Des fois, on l'appelle la madame, la bouteille, là, parce que c'est en forme de madame, avec les hanches et tout ça. Oui. Bref, cette bouteille-là, à l'origine, était en forme de grains de cacao. Oh, d'accord. Ouais. Candler était un meilleur homme d'affaires que Pemberton, mais il a quand même fait une petite gaffe. Au début du siècle, Coca-Cola était vendu en pharmacie et c'était souvent disponible en fontaine là-bas. Quand les embouteilleurs ont approché Candler pour voir s'il était intéressé à distribuer ça dans des contenants de vitre, Candler aimait tellement pas l'idée qu'il trouvait que l'idée était tellement mauvaise qu'il leur a permis d'emballer la boisson pour un frais de seulement 1$. Ah, ouais! Thought so little of the idea. C'est ça? Mon Dieu. Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Bref, sa générosité par inadvertance a été vraiment profitable pour les embouteilleurs un petit peu partout au pays, dont les boissons gazeuses rivales. Il y avait tellement de marques d'imitation qui ont commencé à apparaître que les gens avaient de la difficulté à les différencier. Pour essayer de calmer le problème, Coke a conseillé à ses partenaires embouteilleurs d'essayer de trouver un design qui allait être reconnu par quelqu'un juste en mettant sa main dans une boîte de glace, dans une glacière. Oui. Donc, une usine de l'Indiana a créé un gros contenant en vitre en forme de grains de cacao en 1916. Mais ils ne savaient pas que Coca-Cola ne contenait pas de cacao. Ah, OK. Ils utilisaient plutôt le coca, là, le truc qui avait des traces de caféine dedans, de cocaïne, jusqu'à ce que la compagnie l'enlève en 1900. On se rappelle de cette histoire-là. Mm-hmm. Bref, la bouteille est devenue quand même super reconnue. Et Candler, après avoir quitté la compagnie cette même année-là, est devenu maire d'Atlanta. Donc, félicitations à M. Candler. Les enfants maintenant, les enfants et le coke, hein? Oui. Certains des effets plus sérieux sur la santé sont très bien documentés aujourd'hui, les effets nocifs, mais les gens qui aimaient le coke dans la fin des années 1800, ça leur dérangeait pas tellement de donner beaucoup d'eau sucrée à des bébés, donc les enfants recevaient des fois des gouttes de cette boisson-là en espérant que ça les calme. Oui, ben oui, c'est sûr. Ben oui. Le New Coke, est-ce que tu te souviens d'avoir entendu parler du New Coke? Ça me dit quelque chose, ça. C'était une formule remaniée du Coke en 1985. Une histoire très tragique, et ensuite une des plus grandes gaffes de l'histoire du marketing. Mais il y a plusieurs personnes, non seulement qui connaissent l'histoire, mais ils savent pas que la formule a duré plus longtemps qu'on le pense. Ah, OK. Les gens ont vraiment parlé contre la compagnie. Ils ont forcé à ramener la saveur originale seulement quelques mois après le début du nouveau Coke, donc la nouvelle formule. Mais les sujets de tests de marketing se sont jamais fait dire lorsqu'ils ont goûté au New Coke que ça allait remplacer l'original. La compagnie a essayé ensuite de le renommer sous le nom de Coke 2. Mm-hmm. Ils ont continué à l'offrir aux embouteilleurs jusqu'en 2002, donc quand même récemment, en 1985, pour la création de la nouvelle formule. Ouais. Les gens se sont battus pour qu'ils ramènent la formule originale. Ils ont ramené la formule originale, mais ils ont renommé le New Coke Coke 2. Aha. On se comprend ici? Ben oui. Bref, ils espéraient que ça allait donner quelque chose de rester avec la formule du Coke 2 pendant très longtemps. La formule qui a été un petit peu modifiée, contenait un petit peu moins d'ingrédients. C'était moins cher à produire que le Coke classique. Et puis, on dit que si les gens avaient aimé ça, ça aurait pu économiser la compagnie plus de 50 millions de dollars par année, la formule du New Coke, mais finalement, non. Les canettes ont été inventées pour les soldats. Mm-hmm. Mm-hmm. Évidemment, on connaît la bouteille de Coke, mais on connaît les canettes aussi. Hein? Mais c'est né par nécessité, ces canettes-là. La compagnie a trouvé cette idée-là pour pouvoir les envoyer aux forces armées outre-mer. C'était pratique, mais les matériaux nécessaires étaient rationnés pendant la Deuxième Guerre mondiale et la compagnie ne pouvait pas les produire assez pour les troupes avant la fin du conflit. Donc, plus pratique et plus facile à distribuer, Coca-Cola a commencé à l'offrir aux civils en 1960, la canette d'aluminium. Ils ont déjà fabriqué du Coke transparent pour un général russe. Ah, ouais. Là, vous allez me dire, mais oui, mais Crystal Pepsi. Ouais, tu sais, Crystal Pepsi, c'est transparent. Ouais. Tu te rappelles, Crystal Pepsi? Oui, c'est vrai, oui. C'est revenu récemment. Ben, Coke, c'est la même chose, mais c'était juste pour un seul général russe. Oh, OK. Ouais. Excusez, pardon. Et, hein, monsieur, on va l'appeler monsieur. C'est hein? Ça. Donc, pendant son expansion globale à Coke, pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui, voilà, où les usines d'embouteillage ont été créées spécifiquement pour la demande énorme des hommes de l'armée. La distribution a aussi attiré l'attention de clients étrangers, dont le général Dwight Eisenhower, qui a présenté pour la première fois le Coke à monsieur Georgi Zhukov, un général russe qui résistait aux forces nazies. Zhukov a adoré ça, mais avait peur que la Russie, à l'époque de Staline, n'allait pas aimer qu'ils boivent un breuvage aussi typiquement américain et capitaliste. Ah, ouais. Donc, il a demandé à Coke de produire la boisson pour lui dans une bouteille transparente et rendre le Coke lui-même transparent pour ressembler à de la vodka. Mm-hmm. Parce que c'est plus normal, un général qui boit de la vodka ben oui. directement dans la bouteille. Hein? Voyons. Coke l'a fait, mais les Russes n'ont pas eu la version classique avant 1985. Ils ont essayé de remplacer le café. Coke? Ouais, Coke. Donc, lorsque Coca-Cola a réalisé qu'une bonne portion de leur base de clients, donc selon un estimé 12%, consommaient cette boisson caféinée et sucrée le matin à la place du café, ils ont décidé de lancer une campagne de marketing agressive pour dire que Coke était un bon petit remontant le matin. Ouais. Leur campagne s'appelait Coke in the Morning. OK. Ça a été lancé dans plusieurs villes test en 1988. L'idée était que c'était plus facile, en fait, de boire une canette de Coke qu'une tasse d'eau chaude. Ouais. Hein? La compagnie a fait attention de ne pas dire que la liqueur pouvait remplacer le jus d'orange parce qu'ils sont propriétaires de Minute Maid. Mm-hmm. Hein? Donc, c'est si vous ne buvez pas de jus d'orange de toute façon, ben buvez du Coke. Hein? Ils ont déjà essayé de remplir les canettes d'eau dégoûtante par exprès. Arc! Super cool! Pardon? Alors, 1990, donc... Coke a monté une grosse campagne promotionnelle très chère nommée Magic Cans. Alors, si les gens achetaient une canette de liqueur, de boisson gazeuse, ils avaient la chance d'avoir une canette avec un ressort spécial qui était distribué au hasard, qui crachait un rouleau de billets de 1$ à 500$. Donc, t'achètes la canette, t'essaies de l'ouvrir, mais à la place, c'est un couvercle, la ressort, puis là, il sort un tube d'argent, puis ça pourrait être 500$. Oh boy! Hein? Et pour s'assurer que les acheteurs, les gens qui achetaient la canette, puissent pas déterminer par le poids oui. qu'est-ce que c'était, est-ce que c'est du Coke ou est-ce que c'est ma canette avec pas de Coke, mais un billet de 500$, ben, ils ont rempli la canette d'une solution d'eau, de chlore et de sulfate d'ammonium. Eh boy, il boit le pas, hein? Non, c'est ça, ça goûtait vraiment très mauvais, ça sentait aussi très mauvais. En fait, c'était exprès pour ça. Coke avait créé ça avec une odeur vraiment particulièrement mauvaise pour décourager les gens de le boire. Mais il y en a qui l'ont quand même bu. Hein? Et ils ont évidemment, devine quoi, poursuivi. Ben, ou, j'espère. Menacé de poursuivre. Non, mais c'est écrit Mon de pas Dieu. Le boire. Ben, pas... c'est ça. En fait, c'est pas écrit de pas le boire parce que techniquement, c'est pas écrit, c'est tu le sens. Techniquement, tu le sais pas. Et tu le goûtes. C'est vrai. Bref. Un rival, Pepsi, vous connaissez peut-être, a aussi eu un concours similaire, mais eux, ils sont pas allés jusque dans les détails comme ça. Ils ont juste donné un numéro aux gens pour pouvoir réclamer leur prix à la place d'avoir un billet roulé. Ah. C'est peut-être une meilleure façon. Ouais, je crois que c'est vraiment cool comme idée. Tout oui, ben oui, c'est sûr. C'est juste faudrait indiquer sur la... C'est ça. C'est ça. Ben, tu sais. Genre, c'est comme, t'ouvres le truc avec un ressort, ça fait comme une carte de fête, là, genre, il y a une petite musique puis un avertissement. Avertissement, oh, ne buvez pas. Tu sais, parce que là, si t'as l'odeur, t'as le goût, et là, mais t'as l'auditif. Tu sais, ouais. Il manquerait quoi à le toucher? C'est visqueux, OK? C'est visqueux. Pepsi leur a rendu service. À Coca-Cola, bien sûr. En 2006, deux employés de Coca-Cola se sont fait prendre en train d'essayer de vendre les secrets de Pepsi, dont l'information sur un breuvage qui était toujours en développement, en échange d'une série de paiements entre 5 000 et 75 000 $. Les employés ont donné des papiers confidentiels et même un échantillon liquide à quelqu'un qu'ils croyaient être un exécutif chez Pepsi. Mais en fait, c'était un agent du FBI. Hein? Pepsi avait alerté Coke et le FBI de cette offre-là. Un porte-parole de Pepsi a dit à CNN que la compétition devait être juste et légale. Ben, voyons ça, c'est vraiment bien. Les deux espions de boissons gazeuses ont reçu une sentence en prison de 5 à 8 ans, respectivement. Donc, on comprend qu'ils essaient de vendre les secrets de Pepsi à Coke. Et Pepsi a averti Coke que quelqu'un allait faire ça. C'est quand même pas mal le fun. Ben oui. On le connaît moins au Québec, en tout cas les gens de notre âge, sûrement que les plus vieux s'en rappellent très bien, mais Max Headroom, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, ça. C'était un genre de personnage en graphisme d'ordinateur, mais qui avait l'air humain, et puis il parlait de façon saccadée dans la télé, il avait l'air d'un pirate informatique dans la télé. Bref, Coke a réussi à faire de Max Headroom une vedette. OK. Donc, Max Headroom, un personnage pseudo-animé, là, c'est joué par un humain, il me semble. Bref, c'était créé comme vedette de télévision virtuelle au Royaume-Uni par la compagnie de disques Chrysalis en 1985. Et pensant qu'il y avait un bon attrait pour les jeunes à ce moment-là, Coca-Cola a acheté la licence de Max Headroom cette même année-là et a fait de lui le centre de leur campagne publicitaire avec une série de publicités réalisées par Ridley Scott. Oui, Ridley Scott, là, des films. Mm-hmm. Et selon Coke, les publicités ont aidé Headroom à avoir 76% de reconnaissance à travers les adolescents, donc 76% des gens qui pouvaient le reconnaître grâce à Coke. Ensuite, toujours dans l'effet de Coca-Cola, la formule secrète n'est pas vraiment un secret. C'est drôle, okay. On dit tout le temps que Coca-Cola, bon, garde sa formule secrète depuis des décennies. On l'appelle 7X, dans une voûte corporative accessible seulement par les exécutifs les plus haut placés. On se calme. En 2011, l'émission de radio de NPR, This American Life, a annoncé qu'ils avaient trouvé la recette via les papiers d'un historien d'Atlanta nommé Charles Salter, qui, lui, l'avait vu dans une pile de documents appartenant à l'inventeur de Coke, John Pemberton. En plus d'un extrait liquide de Coca, la boisson contenait aussi de l'huile de citron, de l'huile de cannelle, de l'huile de noix de muscade et du caramel. Répondant ensuite à la grosse controverse médiatique, Coke a insisté que c'était une vieille version de la solution. Hein. Mm-hmm. Ils ont jamais dit si la liste était était encore la même. Ils ont jamais comparé la liste de NPR avec la leur. Et finalement, si vous voulez le meilleur Coke, essayez McDonald's. Et là, c'est drôle parce que je me rappelle, il y a quelques mois, dans les astuces d'assemblage, j'ai dit que les machines à liqueur des restaurants de fast-food étaient des endroits remplis de moisissures. En effet. C'était un employé qui m'avait dit. On se souvient très bien. C'est une des choses que j'ai retenu le plus cette année. Mais bon, apparemment, quel meilleur Coke est chez McDo. Hein? Les géants sont presque siamois depuis 1955. Ah, ouais. Depuis que le propriétaire de McDonald's, Rick Kroc, donc Raymond Crocodile, a contacté la compagnie pour lui fournir des boissons en fontaine pour sa chaîne de restaurants de fast-food. Coke est depuis partenaire avec les Arches Dorées sur le développement du menu, par exemple les smoothies. Ils permettent même d'utiliser les usines de la compagnie lorsqu'ils prennent de l'expansion internationalement. Et le meilleur avantage, apparemment, serait la boisson elle-même. Selon le New York Times, Coke envoie son sirop chez McDonald's dans des contenants dans des barils d'acier inoxydable. Et non pas les sacs de plastique qu'on a habituellement chez les autres. Je sais pas si vous aviez déjà vu ça dans un restaurant de fast-food quand ils remplissent la machine de son sirop gluant et visqueux dans des sacs de plastique. Non. Non, ben Coke, c'est pas ça. C'est dans des barils d'acier inoxydable. Et le résultat, apparemment, c'est le Coke le plus frais et le plus délicieux possible. Bon. Apparemment. Essayez-le. C'est ce qu'il dit. On sait pas. Voilà pour son foutu palmarès. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Dans quelques minutes, on va se continuer ça avec un petit peu de toi, Tania. Mm-hmm. Un petit peu. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce musicale. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles entrées en ce moment, mais j'en vois une de Simon Kingsbury. C'est pas le boxeur? C'est pas le frère de Michael? Michael? De Michael Kingsbury. C'est tuer la bête, donc son frère est un... Il y en a qui bat, puis l'autre qui tue. Oui, c'est ça. Par la faute du nombre, j'ai perdu le compte. Je dois reconnaître, il faudrait tuer la bête sous peu. J'ai aucune idée comment m'y prendre pour gagner. Si tu me laisses, moi, seul en peureux. Simon Kingsbury avec Tuer la bête à Assemblage Rocky. Maintenant, c'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Fait que là, si on regarde comme faux, je pense que j'ai manqué de voix en octobre, en novembre, en janvier et en février, à date, là. Ouais, à date. À date. À date, t'as une belle moyenne, je te dirais. Pas pire comme année, pantoute. Faut que tu la chantes toi-même, ta chanson. Et hein? Là, pas sûr que ça vous tombe. On verra. Aujourd'hui, on parle d'alcool parce que c'est la fin presque du 28 jours sans alcool. Oui, puis vous allez voir aujourd'hui, en fait, j'ai comme deux sujets en un. Bien évidemment, ils sont joints par l'alcool. C'est des si à moi. Par contre, ils sont très, très différents au terme de l'opinion l'un de l'autre. Oh. Vous allez voir, c'est très, très positif ou encore très... très négatif. Ce qu'un de tes sujets pense de l'autre sujet, c'est ça? Peut-être pas nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, on est dans le 28 jours sans alcool, on le sait, et les idées sont toujours très partagées quant à savoir si boire, consommer de l'alcool, c'est bien, ou consommer de l'alcool, c'est mal, mm-hmm. Considérant quel tempérament est-ce que t'as déjà en partant en tant que personne, ton type de personnalité mélangée avec l'alcool, qu'est-ce que ça va donner? On se rappelle aussi, Marc Lachance nous avait déjà discuté un petit peu des comportements qu'on peut avoir en état d'ébriété. Eh bien là, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la consommation d'alcool qui est un facteur soit de risque ou encore quelque chose de positif. Ah oui, OK. Oui, on va commencer par le côté négatif, un peu comme commencer par les mauvaises nouvelles. J'ai décidé que c'était comme ça. Pour ceux c'est qui bien. Apprécient la consommation d'alcool, vous allez être contents avec ma fin de chronique. Mais on s'est rendu compte, en fait, qu'une consommation quand même assez importante et régulière d'alcool est un facteur majeur de risque pour tous les types de démences. Et là, en particulier, les démences qui vont être précoces. Ceux qu'on s'en doute pas nécessairement. C'est selon une étude qui a été publiée la semaine dernière, qui a été basée sur des données des hôpitaux français. Donc, c'est une étude qui a été faite en France, en Europe. Et on a étudié 57 000 cas de démence qui étaient du type précoce. On les a observés en France entre 2008 et 2013. Donc, quand même une bonne durée de 5 ans. Et plus de la moitié était soit directement attribuable à des dommages de cérébraux, en fait, qui avaient été liés à l'alcool. Donc, 39 % de ces cas-là étaient liés comme ça à l'alcool, soit accompagnés d'une consommation excessive, donc 18 % et c'est quand même assez alarmant, bien évidemment, on va se le dire. Mais une consommation excessive d'alcool, c'était associé avec un risque trois fois plus important de démence de tout type confondu. Et là, quand on veut dire tout type confondu, bien évidemment, c'est pas juste d'avoir, par exemple, une petite perte de mémoire. C'est des épisodes de démence qui peuvent être quand même assez alarmantes pour les personnes qui vivent soit autour de cette personne-là, ou encore la personne elle-même. Peut-être est-ce qu'à un certain moment, on se dit, ben voyons, ça va-tu? Ça va-tu? J'ai-tu un problème? Qu'est-ce que je viens de faire? Si on se pose déjà la question automatique, parce que c'est arrivé sur un coup de tête, après une grosse, quand même un coup d'excès au niveau de l'alcool, bien ça peut être quelque chose qu'on peut peut-être s'interroger, à savoir est-ce que la démence liée à l'alcool pourrait être quelque chose qui pourrait me suivre jusqu'à plus tard dans ma vie? Parce qu'on le sait, la démence, c'est quelque chose aussi qui normalement va arriver un petit peu plus vers les âges de 45 ans. 50. On voit aussi la démence de vieillesse, c'est quelque chose qui arrive quand même assez couramment chez les personnes plus âgées, mais souvent, ce qu'on va laisser de côté sur la démence plus âgée, c'est justement ce côté où l'alcool a peut-être été une place importante dans la vie de la personne qui va commencer à faire de la démence. Et là, avec cette étude-là, on a commencé à se poser quelques questions. Est-ce que la démence du type âgé pourrait avoir un lien avec la consommation d'alcool que tu as eue dans ton passé? Donc, bien évidemment, la réponse est oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des épisodes de démence précoce et très, très impulsive qui avaient eu quand même une bonne le coude haut pendant un bon moment de leur vie. Donc, une consommation excessive d'alcool s'est associée, comme je le disais, avec un risque 3 fois plus important de démence. Et c'est l'étude qui a été menée par une société d'analyse statistique, donc basée à Paris, où on a fait l'étude pendant 5 ans. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, il y a 47 millions de personnes qui sont atteintes de démence dans le monde. Donc ça, c'est 60 à 70 % qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. On parle d'une démence précoce avant 65 ans, donc je vous disais tout à l'heure 40-45. Ça peut être même plus jeune que ça. Ça peut arriver plus tôt, bien évidemment, considérant que on n'a pas tous nécessairement le même cerveau non plus. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'on est en train de faire une épreuve de démence liée à l'alcool à la suite de peut-être certains événements? C'est possible. Une consommation importante d'alcool, ça devrait être reconnu, en fait, comme un facteur de risque majeur pour n'importe quel type de démence, chose qui n'est pas nécessairement associée aujourd'hui, présentement, pour le moment. On se dit que, bon, on voit pas mal plus d'études qui sortent, surtout avec quand même des occasions comme le 28 jours sans alcool pour faire un petit peu de prévention. C'est qu'il y a quand même des chiffres qui nous parlent. Il y a des chiffres qui sont alarmants. On se rend compte que la consommation excessive d'alcool chez certaines personnes, bien, ça amène quand même des facteurs de risque qui sont majeurs pour des problèmes qui peuvent engendrer dans le futur. Bien évidemment, si on se ramasse à l'hôpital et qu'on est déjà dans notre période du futur, c'est assez difficile de pouvoir dire quoi que ce soit à l'infirmière ou à l'infirmier lorsqu'on est rendu, par exemple, âgé de 50-55 ans. Mais si on arrive dans une période de démence qui est quand même assez précoce et qu'on est jeune, bien souvent, l'alcool ou la drogue va être une des premières questions qui va sortir de la bouche des infirmiers ou des docteurs qui vont nous consulter à ce moment-là. Est-ce que vous avez consommé quelque chose? Aux alentours de 50-55 ans, ça se fait plus nécessairement de dire « Est-ce que vous avez consommé quelque chose? » T'sais, on se dit, bon, la personne est quand même assez âgée, ça me surprendrait qu'elle soit claquée 4 bouteilles de vin toute seule. Par contre, elle l'a peut-être fait dans le passé, chose qui aurait amené justement cette démence-là. À délai. Exactement. Donc, le lien entre la démence et l'alcool, ça nécessite bien évidemment des recherches qui vont être supplémentaires, mais ça résulte probablement du fait que l'alcool cause des dommages quand même assez permanents au cerveau. Et on a souligné qu'une consommation importante d'alcool avec cette étude-là, c'est associé à une pression sanguine élevée. Souvent, on va voir des gens qui vont boire, par exemple, peu importe, de l'alcool... par exemple, un verre de vin rouge. Et on va dire, mon Dieu, t'es-tu correct? As-tu chaud? T'es tout rouge. Bien souvent, c'est parce que la pression sanguine va être beaucoup plus haute. Il y a des gens qui, au niveau de l'alcool, au niveau de la consommation d'alcool, eh bien, leur pression va monter. Même chose au niveau du diabète, les problèmes cardiaques. Donc, il y a des facteurs qui peuvent augmenter le risque de démence vasculaire. Donc, un trouble qui apparaît après des accidents vasculaires cérébraux. Et c'est une étude qui fournit des nouvelles données quand même, parce que c'est pas nécessairement des données qu'on avait avant. Et ça suggère que les troubles liés à l'alcool sont fortement associés avec un risque de démence pour le moment. Ça veut pas nécessairement dire que si t'as un épisode de démence, c'est automatiquement lié à l'alcool. Mais on se rend compte avec les chiffres et avec cette étude-là qu'il y a de plus en plus de liens à faire entre les deux. Réduire en fait une consommation importante après un certain temps, c'est quand même assez difficile. C'est sûr aussi que rendu par exemple, à 60-65 ans, au moment où souvent les démences vont arriver, eh bien, il faut prendre en considération ce qu'on a déjà bu, ce qu'on a déjà fait dans notre vie. C'est sûr que si tu n'as pas consommé la journée même où tu fais un épisode de démence, ça ne veut pas nécessairement dire que ton passé ne va pas t'amener là. Donc, de réduire une consommation importante, ça ne permet pas nécessairement de réduire le risque de démence ou le retarder non plus. Il faut faire quand même d'autres études qui vont permettre de démontrer quand même un lien de causalité entre les deux. Et l'étude se base sur les chiffres d'un programme de médicalisation des systèmes d'information des hôpitaux français. Donc, ce sont tous des données qui ont déjà été mises sur ordinateur, qui ont déjà été analysées et on porte sur plus de 1,1 million de personnes diagnostiquées avec un type de démence France entre 2008 et 2013. Par la suite, on en a utilisé quelques-uns à l'intérieur de ceux-là, mais les chiffres sont quand même là. 1,1 million de personnes qui souffrent d'un épisode de démence, c'est quand même énorme. Est-ce qu'ils sont tous liés à l'alcool? Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais on est en train de dire qu'il y en a un bon pourcentage qui pourrait très bien être lié à l'alcool. Donc, sur la même période, il y a environ 945 000 personnes qui ont été diagnostiquées avec des troubles qui sont liés à l'alcool. Donc, bien évidemment, se prendre un petit verre, c'est super, mais il faut toujours prendre... Bon slogan, d'ailleurs. C'est super, mais il faut toujours prendre en considération que, oui, âgé, par exemple, de 20-25 ans, tu dis « Ah, oh, je suis jeune, j'ai le temps, blablabla. » Profite-en un petit peu. Profite-en, exactement, mais faites attention à votre cerveau. C'est pas la première fois non plus qu'on dit que la consommation excessive d'alcool, ça peut endommager le cerveau, mais de façon assez incroyable. On peut avoir des pertes de mémoire par la suite. La matière grise va changer à la consommation de l'alcool. Donc, à ce niveau-là, il y a de fortes possibilités que vos neurones rendus à 60-65 ans ne fonctionnent plus nécessairement aussi bien qu'elles fonctionnaient à 20-25 ans. Alors, votre consommation d'alcool va, oui, avoir un effet sur votre futur vous. C'était mon point négatif. C'était oui, ma mauvaise nouvelle. Il y a du positif là-dedans. Mais il y a du positif, mesdames, messieurs. On se dit, bon, je vois pas quel genre de positivisme on pourrait avoir avec une nouvelle comme celle-là. Eh bien, une consommation alcoolisée, ça aide l'esprit à se libérer. On pourrait même dire que ça l'aide à se nettoyer. Okay. On vient de dire, en fait, c'est drôle parce que c'est vraiment très contradictoire. Alors, c'est là qu'on voit que souvent, au niveau de la science, il y a des choses qu'on doit prendre, il y a des choses qu'on doit laisser et qu'on souvent, on va dire, la modération a bien meilleur goût. Ouais. C'est justement pour ça que je voulais vous faire un côté qui est très, très, très négatif et un côté qui est quand même assez positif ce matin, vous allez voir. D'habitude, on va dire, bon, ben, mettons, je sais pas, les cellulaires, mettons, ça cause le cancer. Puis l'autre, le contraire, ça va être, ça fait rien. Exactement. Mais là, ça serait quelque chose de positif et non pas juste rien faire. Tout à fait. En fait, c'est une étude qui a été publiée en janvier 2018, donc c'est très, très, très récent, dans le journal américain Scientific Reports. C'est une étude qui démontre, en fait, que si on a une faible consommation d'alcool, ça va diminuer l'inflammation et ça va aider notre cerveau à se libérer de toxines. Ah. Donc, ça va inclure celles qui sont associées à la maladie d'Alzheimer. Colin. C'est très drôle parce qu'on vient de dire que, justement, les épisodes de démence, souvent, ça va être lié avec les gens qui ont beaucoup, qui ont un avancement de la maladie d'Alzheimer et qu'on va être capable bientôt d'associer ces données-là donc, avec la consommation d'alcool. Un petit peu de consommation, ça aide. Beaucoup trop, là, ça vient nuire. Exactement. Il faut trouver juste le milieu. Il faut être modéré. C'est tellement logique. Hein? Écoute, on le dit tout le temps, mais il y a un docteur de l'Université de Rochester aux États-Unis qui est Macon Nedergaard, qui est un des chercheurs justement qui s'est porté sur l'étude, qui s'est posé les grandes questions de la vie, disons-le. Et l'accent du projet a été sur le système glymphatique. En fait, qu'est-ce que le système glymphatique? C'est un système de nettoyage unique qui se trouve dans le cerveau et qui va s'activer surtout pendant le sommeil. Ou encore, lorsqu'on va avoir une faible consommation d'alcool. Souvent, on se dit, boire un verre de vin, là, ou te saouler, ça enlève pas tes questions, puis tout ça, ça enlève pas tes démons, mais ça fait en sorte que tu les oublies plus facilement. C'est ça, ton inhibition. Exactement. Quand on parle de nettoyer son cerveau, c'est pas nécessairement ça qu'on veut dire, OK? En 2012, le docteur qui était chargé de cette étude-là avait montré comment le liquide cérébrospinal, qui est aussi appelé le liquide céphalo-rachidien, qu'on entend quand même assez souvent dans des études, évacuait les déchets du cerveau. Donc, ce qui se trouve dans... Oui, notre cerveau a des toxines, mesdames, messieurs, sachez-le. Et ça a des déchets aussi. On n'a pas de petites poubelles, mais c'est dans un liquide biologique, ce fameux liquide biologique-là, qu'on va transparaître que le cerveau, la moelle épinière, ça baigne là-dedans. C'est dans ce beau petit liquide-là que tout ça baigne. Et dans les déchets qui sont évacués, bien, on va retrouver deux protéines qui sont associées à la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Donc, les résultats qu'on a observés, en fait, lorsqu'on a fait l'étude, ça a été fait sur des souris, bien évidemment, encore une fois. Mais c'est un objectif de l'étude qui était de justement examiner l'impact de la consommation aiguë et chronique d'alcool chez les souris. Donc, pour faire ça, les chercheurs ont étudié trois groupes de souris. Un groupe avec une forte consommation d'alcool, un deuxième groupe qui était exposé à une faible quantité d'alcool et le troisième groupe demeurait sobre. Les chercheurs ont observé en fait qu'un taux élevé de marqueurs d'inflammation dans le cerveau du groupe de souris qui avait consommé beaucoup d'alcool sur une longue période de temps, c'est des marques qui auraient surtout été observées par exemple sur les astrocytes, qui sont des cellules nerveuses qui sont en forme d'étoile. Et ces cellules-là sont des régulatrices, oui, quand même assez importantes du système glymphatique. Donc, si on a une consommation élevée, si on a une consommation quand même assez accrue sur une longue période, bien, ça va changer quelque chose au niveau de notre cerveau. Les chercheurs ont aussi remarqué qu'il y avait une détérioration au niveau des capacités cognitives et au niveau des capacités motrices de ces fameuses souris-là. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne vient pas nécessairement à l'encontre de cette étude-là. On parle encore une fois dans l'excès. Et quand on parle à l'excès, on ne parle pas de 3 verres. Là, on parle de beaucoup plus d'excès que ça. Le second groupe de petites souris, c'était ceux qui étaient exposés à une faible quantité d'alcool qui était quotidienne, ce qui équivalait environ à 2,5 verres de vin, ou de bière de façon régulière. Par jour? Ça le dit pas? Ça le dit pas. Parce qu'il me semble que c'est pas mal plus que la base, 2,5 verres. Leur cerveau, en fait, présentait beaucoup moins d'inflammation et leur système glymphatique était beaucoup plus efficace pour éliminer les déchets comparativement au groupe de souris qui était sobre. Donc, les capacités cognitives, les capacités motrices des petites souris qui avaient consommé juste un peu d'alcool étaient identiques à celles qui étaient sobres. Mais on avait un meilleur système glymphatique. Notre cerveau était beaucoup plus facile au niveau d'évacuer les toxines, d'évacuer les fameux petits déchets. Bien évidemment, on dit souvent que la dose, ça va tout changer. Les données sur les effets de l'alcool sur le système glymphatique, ça reste quand même que ça correspond au modèle J, qui est relatif aux doses de l'alcool sur la santé générale et sur la mortalité, où justement de faibles doses d'alcool sont bénéfiques, tandis qu'une consommation excessive va tout le temps être nuisible à la santé globale. Les bénéfices sur la santé d'une faible quantité d'alcool, c'est documenté scientifiquement. La diminution, par exemple, des risques de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et autres maladies chroniques, ça l'a déjà été rapporté dans plusieurs études. Par contre, on rappelle bien évidemment qu'une consommation d'alcool excessive et prolongée va causer des effets qui sont extrêmement dommageables sur le système nerveux central. Donc, il y a des études qui ont montré qu'une consommation faible à modérée d'alcool, c'est associé à un risque moindre de démence, oui. Mais si on y va vraiment dans l'excès pendant de nombreuses années, bien à ce moment-là, on va augmenter le risque de déclin cognitif. C'est une étude qui peut aider à expliquer pourquoi est-ce que ça se produit. Plus précisément, on parle de faibles doses d'alcool qui vont sembler améliorer la santé globale du cerveau. Mais une consommation excessive, ça se traduit par 6 consommations pour les hommes et 4 pour les femmes par jour. À ce niveau-là, c'est beaucoup, on s'entend. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée dans The Lancet Public Health en février 2018, donc c'est vraiment très récent, qui a justement appuyé ces fameux résultats-là. Et les chercheurs français ont démontré que la consommation excessive multiple allait risquer de développer en fait la démence, comme je le disais tout à l'heure, en particulier les démences qui sont précoces. Donc 57% des démences étaient directement liées aux dommages du cerveau qui avaient été causées par l'alcool. Mais si on regarde les Québécois, et juste les Québécois, et non pas les Français, les Canadiens, les Américains, puisque les études quand même se promènent un peu partout sur la planète, bien en 2017, Éducalcool a mené une enquête sur les Québécois et leur consommation. On est ressorti de ce rapport-là avec 11% des buveurs réguliers qui sentent pas que leur consommation est nuisible à leur santé, mais 6 à 7% des consommateurs rapportent boire des quantités excessives d'alcool de façon hebdomadaire. Donc, les niveaux de consommation qui sont recommandés varient surtout selon le sexe. Les femmes devraient se limiter à 2 verres par jour et à un maximum de 10 verres par semaine. Et pour les hommes, c'est 3 verres par jour avec un maximum de 15 verres par semaine. On dit toujours, bien évidemment, que de trinquer modérément, ça va libérer nos toxines. Ça va être meilleur pour nous que d'en faire de l'excès. Et il faut faire aussi attention avec qu'est-ce qu'une consommation ou qu'est-ce qu'un verre standard. Oui, ben oui. À ce niveau-là, un verre de bière, c'est 12 onces. Un verre de vin, c'est 5 onces. Et là, on parle surtout du pourcentage d'alcool. Si votre votre alcool est à 5 % par exemple, votre verre de bière va être à 5 %, eh bien là, on va y aller avec un 12 onces, un 340 millilitres. Pour le vin, si vous avez un vin à 12 % d'alcool, on va y aller avec un 5 onces, donc 140 millilitres. Mais si on a un vin qui est beaucoup plus élevé en termes de pourcentage d'alcool, un vin qui va être fortifié, c'est-à-dire plus de 20 % d'alcool, eh bien là, ça va tomber à 3 onces, ce qui est 85 millilitres. C'est pas énorme, mais ça, c'est la consommation d'un verre standard. Si on y va, par exemple, avec du spiritueux, un verre d'alcool qu'on dit souvent le fort, eh bien, avec un taux de pourcentage qui va être au-dessus de 40 % par exemple, eh bien là, on parle de 1,5 once. On parle pas de 3,5 onces à l'intérieur de votre verre. C'est ça la différence. Si vous buvez, par exemple, vous dites « Ouais, mais j'ai juste bu 2 rum and coke. » Mais dans ton rum and coke, il y avait 4 onces chaque. Déjà, tu bosses pas mal le verre semblable, tu sais, le verre standardisé. Si on y va avec le cidre, par exemple, qui est un taux d'alcool souvent moindre, qui va être, par exemple, de 6 %, eh bien là, on joue aux alentours de 5 onces. Un peu la même chose que pour le vin, mais qui, lui, va être à 12 %. Pourtant, on a un pourcentage qui est moins élevé, mais on a des bulles. Ah ben oui. Donc, ça fait en sorte que ça va frapper un peu plus rapidement. Okay. La teneur en alcool, la consommation au verre standard, c'est quelque chose qui est quand même dit un peu partout sur les réseaux sociaux. Éduc'alcool au Québec s'en fait un peu sa mission de dire aux gens qu'il faut faire attention. Et je vous le répète, une consommation ou un verre standard, ça va différer de souvent ce que vous pensez qui est un verre standard. Donc, il faut faire attention. Il y a des côtés positifs à la consommation d'alcool, comme il y a des côtés extrêmement négatifs à la consommation d'alcool. Il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est ça qu'il faut se rappeler. Et si on y va avec une faible quantité, eh bien, notre cerveau va mieux se sentir. Hey, moi, je n'en reviens pas. Pour vrai, là, ça disait max 15 consommations pour les gars par semaine. Ouais. 15 fois 4, ça fait 60. Mm-hmm. 60 verres, puis ça, c'est encore normal, tu sais. Par mois. C'est énorme, hein? C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Je te dirais que, je sais pas pour toi, mais moi, durant le mois de février, j'ai vraiment fait attention à l'argent que je dépensais sur l'alcool. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que, Moses, on économise. Ben, c'est comme n'importe quel vice, c'est comme pour ceux qui fument, c'est peu oui, importe. Oui, exactement. Quand tu arrêtes ça, ben, quand même, t'es juste plus heureux. Oui. Et puis, tu peux quand même boire une fois de temps en temps. Ben oui, tout à fait. Chacun sa façon de voir les choses. Faut choisir ses moments. Exactement. Mm-hmm. Nous, justement, tantôt, on va boire vers la fin de l'émission dans une édition spéciale Une grosse pointe en dresse, donc ne manquez pas ça. Mais pour l'instant, on s'en va entendre Queensland. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Ça bouge un petit peu plus que les autres de tantôt, donc je vous aurais averti. Queensland, voici Choke tout de suite. Assemblage requis! since you were stupid again. Could I paint you without regrets? All she's got now is a fear of her own shadow. Time has become so slow. Well, she's not on the go. Keep her low as a tree in my breath, and she is. Keep her low, cause she's got a shake and she's ready to break. Well, I see it rhyme, but nothing can bring you back from this. Be like a snake around her neck. It's choking her. Font partie de la chanson et non pas de la console qui est sale. Queensland avec une show. On revient dans quelques instants avec les instructions d'assemblage. Vous êtes assez fou. 89.1. Aujourd'hui. vieille machine géante. Avec la fille à la robe rouge. Pas pire, hein? La fille avec la robe rouge. Ah, c'est ça le titre? Avec, oui, c'est ça. J'attendais que, j'attendais que le titre défile dans ma face. J'étais comme, OK. Mais j'ai retenu robe rouge, c'est pas mal. Oh boy. Hey boy, ça va bien ce matin. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Je sais, à qui le dis-tu? À chaque fois que j'entends cette intro-là, il faut que je te l'avoue, j'ai l'impression que c'est Jean-René Dufort qui parle. Ouais, Jean-René Dufort? Ouais. Attends un peu, j'ai pas remarqué ça. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Ah, j'avoue, ouais. Je suis pas en désaccord. À chaque fois, je suis comme, mon Dieu, Mathieu, t'as fait, c'est bon, t'es allé directement à la source. À la source, je suis comme ça, moi j'ai des contacts. Exactement. Aujourd'hui, dans les instructions d'assemblage, vous savez, c'est peut-être, pour ceux qui sont pas au courant, je vous dis, la chronique où on donne des conseils de vie. Hein? Mm-hmm. Des fois, Tania, je te vois là, à ton bureau en train de hacher de l'ail tout le temps. Est-ce que tu manges de l'ail dans la vie, Tania? Hey, depuis que j'ai plus de vésicule biliaire, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à digérer l'ail qui se retrouve à l'intérieur des mets que je consomme. Fait que j'essaie d'en consommer le moins possible. Eh ben, si jamais un jour tu as à avoir de l'ail dans tes repas, parce que t'as coupé toi-même ton ail, ça m'arrive tout le temps. Utilise de l'huile de noix de coco pour te débarrasser de l'odeur de l'ail sur tes mains. Ah, quelle bonne idée! Petit conseil comme ça, qui vient d'un épisode de Queer Eye. OK. C'était quoi, l'escouade... Ça avait les noms en français, c'était quoi? Je me souviens pas. L'escouade gay, genre. Ça? Ah, je sais pas, mais c'était mauvais comme... Ah, oh boy. En tout cas, bref. Hein, c'est ça. C'est ça. Exactement. C'est ça. On a pas mieux à dire. Et voilà. Donc, un petit peu de noix de coco pour désempester vos mains remplies d'ail. Voilà. On recommande l'huile de noix de coco pour plein d'autres choses, mais bon, pour ça, ça pourrait être une bonne chose. Ensuite, donnez-vous une petite alerte de calendrier pour éviter de se faire charger pour après un essai gratuit. OK. Tu sais, quand tu prends un essai gratuit, habituellement, il faut que tu te fournisses ton compte de ta carte de crédit. C'est pour ça que je le fais jamais. Ben, c'est ça, parce que tu n'es pas assez responsable, mais tu pourrais le faire. Mais non, mais au contraire, je suis beaucoup trop responsable pour pouvoir donner mon numéro de carte de crédit comme ça à n'importe qui. Ah, j'avoue, mais les... De toute façon, ça passerait pas. On voulait pas en savoir autant. Ah, mais vous le savez. Écoutez, ben oui, hein? C'est ça. C'est ça. Bref. Vous êtes déjà au courant du portefeuille à Mathieu et moi, de toute façon. On en parle tout le temps. On en parle tout le temps. Tout le temps. Bref, mettez-vous une alerte de calendrier, pour éviter d'être chargé lorsque votre essai gratuit se termine. Oui, ça, c'est une bonne idée, par contre. Vous vous abonnez à Netflix, à Spotify, peu importe, et là, vous entrez votre numéro de carte de crédit, ça vous dit « Parfait, vous avez 30 jours! Mm-hmm. » Et là, c'est écrit en tout petit, ça va se renouveler tout seul si tu le dis pas. Ouais. Donc, une vérité du monde capitaliste d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il t'attrape. Tout le monde est tombé dans le piège à un certain moment. Mais une façon très simple d'éviter ce piège-là, quand vous inscrivez à un essai gratuit d'un nouveau service, mettez-vous tout de suite un petit reminder, rappel en majuscule, avec le numéro, pas le numéro, le mot des inscriptions, genre, peu importe, fermer le compte, particulièrement avec Amazon Prime, je trouve ça, c'est tellement cher. C'est vrai. Et je l'ai fait, une chance, parce que sinon j'aurais été obligé de payer 75-80 par année, c'est incroyable. Donc un petit rappel, là, ça fonctionne pas mal toujours, idéalement peut-être un petit 48 heures avant la date. Pour être vraiment sûr, si des fois vous remettez ça un petit peu à plus tard, tu sais. Hein? Mm-hmm. C'est ça. Ensuite, c'est aussi bon pour ceux qui font du credit surfing, qu'on appelle en anglais. Donc, c'est ceux qui prennent des nouvelles cartes pour tout le temps avoir les petites offres qui viennent avec. Oui. Donc, c'est pour se rappeler d'annuler la carte avant que le frais annuel embarque sur votre carte quand vous faites du surf de crédit. Je ferais jamais ça, parce que moi non plus. Ça passerait pas. Ensuite... Vous pourriez gagner une Bitcoin en battant ce nouveau jeu vidéo. Ouh là là, intéressant. C'est là, le Bitcoin, tout le monde en parle, tout le monde en veut, ça coûte ultra, ultra cher. Ben oui. Hein? Un seul Bitcoin présentement coûte plus de 10 000 $US. Mm-hmm. Juste un Bitcoin. Donc, un nouveau jeu vidéo remarqué par le site Motherboard offre aux gens la chance de gagner une seule Bitcoin. Et tout ce qu'on a à faire, c'est acheter le jeu sur Steam pour 2 $US et être le premier à le battre. Monte Crypto, The Bitcoin Enigma, a été lancé le 20 février dernier sur Steam. Il y a aussi un rabais de 40% si on l'achète avant la date de sortie, donc ça fait descendre le prix encore plus. On ne sait pas trop pour le jeu, mais est-ce que c'est vraiment important? Pas tant que ça. J'imagine que s'il parle de premier à l'avoir, c'est peut-être pas encore le cas. On va aller voir sur le site, voir Monte Crypto, si quelqu'un l'a déjà eu. Sûrement pas. Ça doit être quelque chose de vraiment une énigme. Là. C'est une énigme. Ça prend du temps. Hein? Ça n'a pas l'air. Non, en fait, en date du dernier article sur leur site sur Steam, c'est pas... Excusez, mon Dieu! On n'est pas là mentalement. Mais non, aujourd'hui. Zéro, là. On s'excuse vraiment. Les deux, on a eu... On a failli pas venir. Ouais, c'est ça. On va se le dire. On va mettre les choses au clair. Pas en forme. Hein? Pas en forme, pas toutes les deux. Un petit peu malade. Hein? Un petit peu fatigué. Ouais. Les deux, des fois. C'est comme ça. On n'a pas de remplaçant, nous. Non, c'est ça. Si on ne vient pas, on ne vient pas. Hey, c'est tellement si nos ça. Chroniqueurs ne viennent pas, on remplit le temps. C'est pendant 3 heures. Hey. Trois chroniqueurs. Okay, c'est ça, on s'excuse pour les petits rockements de gorge. Mais c'est ça, c'est un bon point que tu apportes parce que les gens, je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendent compte. Aussitôt que tu as un petit râlement, un petit nick cool dans une radio commerciale. Oui. Tu as un remplaçant. Ben oui, exactement. Je peux pas y aller. OK, parfait, bye. Nous autres, c'est... Il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Non, nous autres, c'est... On va mettre... C'est Mathieu me demande si je peux. Je demande à Mathieu s'il peut. Puis après ça, c'est... Ah ben, une troisième reprise de l'édition week-end. C'est ça. That's fine. Exactement. That's fine. Sauf ce matin. Non, mais c'est ça. Ce matin, on est là, hein, contractuellement. Les cotes à une étoile sur les sites de critiques, tu sais, comme Amazon. Oui, ben oui, ben oui. Les critiques à une étoile sont pas mal les pires selon la science. Ah ouais? Ouais, faut pas se fier aux critiques à une étoile. J'avais tendance à le faire tout le temps. Seulement une, ben c'est peut-être parce qu'il y a juste une seule personne qui a voté, mettons. Ben ça peut être parce que quelqu'un est fâché puis il va aller tout de suite mettre une cote à une étoile, alors qu'il y a même pas, il s'est même pas renseigné à la compagnie voir s'il pouvait peut-être l'échanger parce qu'il y a eu un citron, des trucs comme ça. Donc en plus d'être les critiques, souvent aident le moins à se faire une idée. C'est souvent les plus longues et les moins bien éplées. Ben oui, évidemment. Hein? Voilà. Tu regardes le commentaire là. Pas fort. Le journaliste de données. Hein, le blog de journalisme de données, oui, Priceonomics, a analysé 100 000 critiques de produits en ligne et nous apprend que 40% des critiques à une seule étoile ont au moins une faute d'orthographe versus 30% pour les critiques à 5 étoiles. Bon, c'est pas un facteur très important, les fautes d'orthographe, mais quand même, les critiques à 5 étoiles ont le plus de chances d'oublier de mettre un point à la fin des phrases. Ah, OK. OK. Les critiques à 4 étoiles ont le plus de chances de ne pas avoir d'apostrophe, selon leur étude. C'est vraiment des facteurs importants. Ben oui. Après avoir ajusté pour la longueur des messages sur les sites, les critiques à 3 étoiles ont le plus d'erreurs fréquemment. OK. Donc, si on laisse tomber les erreurs grammaticales, c'est plutôt... C'est le parrain de la productivité, Merlin Mann, qui a une règle par rapport aux étoiles. Il dit cote par étoile en ordre d'utilité typique. Première position, 3 étoiles. Ouais. Plus, c'est la plus utile. Deuxième, 2 étoiles. Mm-hmm. Parce que quand même, quelqu'un s'est forcé. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas un chiffre rond ou le milieu. En troisième place, les critiques 4 étoiles. Ouais. En quatrième, les critiques 5 étoiles. Et en cinquième place, les moins utiles, donc les critiques à 1 étoile. Uh-huh. Parce que c'est juste des gens qui chialent ou des gens, tu sais. Les critiques à 5 étoiles, moi, je pense que je suis d'accord avec lui de le mettre en quatrième place. Parce que oui, les critiques à 5 étoiles, des fois, c'est des gens qui ont le produit gratuitement. Oui, c'est ça. Ils se font dire, laissez-nous une bonne cote et puis vous allez avoir un rabais. Donc, je suis pas sûr que je ferais confiance aux critiques à 5 étoiles. 1 étoile, juste des gens qui chialent. Donc, allez-y avec les 2, 3 et 4 pour vous faire une meilleure idée. Parce que c'est des gens qui ont souvent pris le temps de vraiment écrire un bon texte. Oui. Bon. Voilà. Ensuite. Apprendre des concepts d'ordinateur avec des diagrammes à la IKEA. Hey, boboy. Ouais, pas sûr. J'ai de la misère avec les affaires d'IKEA. Bonne chance. Pas très bon là-dedans. Mais bon. Si vous voulez apprendre des algorithmes d'ordinateur ou expliquer ça à quelqu'un d'autre, 3 scientifiques de l'informatique ont construit des aides visuelles dans le même genre que les instructions d'IKEA. Donc, c'est Sander P. Fekete, Sébastien Moore, Sébastien Stiller, qui ont créé 6 diagrammes jusqu'à maintenant expliquant la cryptographie. Okay. Les recherches binaires. Le merge sort, j'ai aucune idée ce que c'est. Les balance trees, je connais pas. Les graph scans, aucune idée. Et l'algorithme de Fleury. Ben oui, les fleurs. Ben c'est ça. C'est des affaires qu'on connaît pas, hein, fait qu'il faut se les faire expliquer. Hein? C'est ça, on s'excuse. Donc allez voir sur les diagrammes façon IKEA pour comprendre tout ça. Apparemment que ça aide. Hein? Voilà. Ensuite, continuons avec. Savoir où les gens malades sont situés. À la radio. C'est ça, au micro 1 et au micro 4. Oh mon Dieu. Donc, le risque d'attraper la rime. La rime. la grippe ou le rhume, la grume. La grume. La grume, si vous voulez pas attraper la grume. ou un virus quand vous quittez la maison. Il faut savoir où sont situés les gens qui ont le plus de maladies. Oui. Évidemment, je pense qu'on... Les hôpitaux. Hein? On évite, peut-être s'il vous plaît. Les universités du Québec à Trois-Rivières, mettons. Peut-être, on dit ça comme ça. Le bureau de la radio, c'est ça, le bureau. Exactement. Donc, Sick Weather. Évidemment, là, je vous dirais pas que ça va fonctionner au Québec. Là, c'est mais... un radar de microbes. Ben, c'est ça. Sick Weather, c'est une application qui scanne les... En fait, ça scanne les réseaux sociaux, donc ça pourrait fonctionner au Québec. OK. Si j'avais essayé, ça serait cool. Ben oui. Donc, Sick Weather, une application qui scanne les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook pour voir quand les gens disent qu'ils sont malades. Et ça donne à une place le mot « malade » basé sur ces données-là. OK. Donc, c'est une application iOS et Android qui enregistre des millions... De messages de gens qui sont malades chaque mois et ça divise ça en maladies individuelles et ça te donne une sick zone alert, donc une alerte de zone de maladie. Tu rentres dans la zone, genre. Ben, c'est ça. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. C'est vraiment cool quand même, mais c'est pas parfait. Hein, quand même, ouais, parce non, qu'on suit, évidemment. On suit sur les médias sociaux. Et c'est que les partenaires de Sick Weather et les gens utilisent l'application pour rapporter les maladies qu'ils ont. Donc, ça va pas attraper tout parce qu'il faut que les gens l'aient dit sur l'application. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, quand on n'est pas productif à la job, au travail, que ce soit parce qu'on est malade ou parce qu'on se fait déranger, on pourrait allumer le mode Do Not Disturb pour être plus productif. Ben oui! Hein? Donc, c'est chez Fast Company qu'on a publié un petit article avec des conseils pour être plus productif. L'un d'eux est d'allumer la fonction ne pas déranger de votre téléphone et de votre ordinateur. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise souvent la nuit parce que tu peux cocher genre... Do not disturb, bon, entre, je sais pas, moi je pense que moi c'est minuit à 5h du matin. Mm-hmm. Les nuits sont courtes. Eh oui. Sur l'ordinateur, je fais la même chose pour pas avoir de petits bip bip bloup bloup pendant la nuit. Bref, les chats, les notifications Facebook, tout ça vont te retirer de tout ce que t'es en train de faire. Donc pourquoi ne pas allumer ce mode-là quand on essaie de travailler? Et ce que ça va faire, c'est que les notifications vont s'emmagasiner. Et quand tu vas être prêt à aller les voir, ah ben bloup bloup bloup, t'as 25 notifications. C'est merveilleux, puis là, ça. Tu peux prendre le temps de le faire. C'est bien, je trouve. C'est très, très bien. Ouais, moi aussi, je le mets tout le temps là-dessus, surtout la nuit. Oui, ben oui. Et tu savais que tu peux le programmer, t'es pas obligé de le faire à la main. Oui, ça, oui, oui, c'est programmé. Parce que les gens, on dirait, ça en rappelle pas. Hein? Ouais. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce mode-là. Moi aussi. C'est dans le Control Center sur l'iPhone ou sur votre Mac. Sur Android, c'est en glissant vers le bas votre haut de téléphone. Et puis sur Windows, bon, sans sac, arrêtez ça d'utiliser Windows. Regarde. Mathieu et sa haine envers les gens qui n'utilisent pas iPhone. Ben oui, mais là. Non, je parle de Windows, moi. Non, okay. Android, ça me va. Ouais. Windows. OK. Windows. Ensuite. Seulement Windows. Ah, je déteste Windows. Est-ce que tu as remarqué, ou peut-être as-tu vu passer ça dans tes nouvelles à quelque part, que Google a retiré le bouton voir l'image dans les recherches d'images? Oh non, j'ai pas vu. Avant, quand tu ouvrais une image dans Google Images, oui. Tu pouvais aller voir le site, consulter le site. Oui. Ou voir l'image. C'est ça. Et quand tu cliquais sur voir l'image, ça t'amenait vers le JPEG, peu importe, puis tu pouvais sauvegarder. Ben, et Google a arrêté de faire ça parce que, bon, les gens, c'était plus facile de piquer la photo. Ben oui, c'est sûr. C'est pas... faisait pas. C'est ça. C'est pas vraiment plus compliqué de cliquer sur voir la page puis aller cliquer droit sur la photo. Non, c'est vrai. C'est pas mal à ma faire, mais quand même, si vous avez besoin de ce bouton-là, je sais pas, pour faire un fond d'écran ou un événement Facebook, ouais. Peu importe, c'est très simple. En fait, je dois dire que Google a enlevé cette option-là à cause d'une nouvelle entente avec Getty Images. Ah ouais? Apparemment, je savais pas que c'était la raison. Non plus. Pardon, donc c'est en essayant un autre enjeu de recherche qui s'appelle Start Page. Donc c'est ça, si vous êtes on peut avoir une expérience similaire via le site Startpage. Bon, startpage.com, hein, qui a toujours lui un bouton voir l'image exactement là où l'ancien était sur Google et ils ont apparemment les mêmes sources, donc vous allez avoir pas mal les mêmes images. Ah, ça pourrait valoir la peine d'aller sur startpage.com. Ben oui. Ça, au lieu de Google Images, pourquoi pas. Et en passant, je pense qu'ils ont aussi enlevé la fonctionnalité de faire facilement une recherche inversée avec la photo. Avant, il y avait un petit appareil photo dans la barre de Google Images. Mm-hmm. Tu cliquais dessus, ça t'amenait vers une boîte pour pouvoir uploader ton image, la téléverser. Maintenant, si je me rappelle bien... Ah, il est encore là. Il est encore là. Ouais? Okay. Il est encore là. OK. En tout cas, moi, de mon côté, il est encore là. Ensuite, comment nettoyer l'intérieur de votre laveuse sécheuse? Ah, mon Dieu. Tant un peu. C'est le Washington Post qui a sorti une petite nouvelle récemment en parlant des 10 choses dans votre maison que vous nettoyez peut-être pas, mais que vous devriez. Surtout enlever la mousse de la sécheuse. Ouais, c'est feu, très hein. Important. Pensez-y, feu, puis ça sèche plus votre linge aussi. Ah, ça, je savais pas ça. Ouais. Bref, les clean freaks sont déjà au courant de la plupart des affaires, comme les ventilateurs, les matelas, la pomme de douche. Mm-hmm. Et bien maintenant, l'intérieur de la laveuse sécheuse, selon Beth McGee, l'auteur, l'autrice de Get Your House Clean Now, The Home Method Anyone Can Master, l'intérieur de votre laveuse et sécheuse peut ramasser des choses comme de la moisissure. Ah, mon Dieu. Et de la mousse, comme tu l'as dit. Ben oui. Bien sûr. On est au courant pour la mousse, mais Colin, mm-hmm. que la moisissure, j'étais pas au courant. Une chose que j'ai pas de laveuse sécheuse chez nous. Déjà c'est vrai, toi, t'as pas ça. Déjà que je pense probablement que mes quatre rhumes depuis les derniers mois sont causés par les moisissures. Écoute. Hein? C'est ça. Pour avoir de longues conversations. Déménage de là. As-tu c'est ça, ça aussi? T'attends, Mathieu. Non, j'en ai pas du tout. Chance. Puis je continue à toucher du bois parce que depuis les fêtes, Mathieu... Je suis ta malade et pas toi. C'est ça. Puis on anime ensemble à tous les matins. Nos bureaux sont ex-aequo. À un mètre, deux mètres, c'est pas mal le max qu'on fait à part quand on va aux toilettes, mettons. C'est ça, exactement. On dîne ensemble aussi. Donc, de cette façon-là, je devrais, en temps normal, être malade. T'es pas mal plus forte que moi. C'est bien. Peut-être ça. Mon système immunitaire est meilleur que le tien. Ah, ça, c'est clair. Hey, puis je prends des vitamines en plus, là. Oui. Full. Ben oui, c'est vrai. Je me gargarise. T'en prends peut-être trop. Ben non. On sait jamais. Je prends des petits gummies. Ah, c'est ça. C'est bon. C'est comme un petit cadeau le matin. C'est comme un genre de calendrier de l'Avent à l'année. Oh, mes deux petits gummies. C'est-tu plaisant? J'aime ça. Nettoyer les laveuses sécheuses, c'est de ça qu'on parlait. Ça n'a aucun rapport. Si vous avez une laveuse récente avec un truc à nettoyer dedans, il y a un paramètre mm-hmm. pour faire un cycle vide avec un quart de tasse de javelisant. Voilà. Et si vous utilisez une vieille laveuse, vous oui. faites un cycle avec la plus grosse brassée, donc tu sais le bouton au max, là, avec l'eau la plus chaude que tu peux avoir, aussi avec un quart de tasse de javelisant. Et quand c'est terminé, tu laisses la porte ouverte et tu laisses la sécheuse, la laveuse, pardon, sécher à l'air. Ah, OK. Voilà. On note aussi que le petit seau de caoutchouc autour de la porte peut ramasser aussi de la moisissure, donc vous devriez peut-être laver le caoutchouc. Mm-hmm. Peut-être même l'enlever de la laveuse. En fait, je pense qu'on considère que c'est bon de l'enlever pour le faire tremper, parce que c'est dégueulasse. Ben hein? oui. Je vais à Buanderie, je me demande s'ils font ça. Ah, je sais pas. Probablement. Non? Sûrement. Ça fait partie du 2,75 par lavage. Peut-être. T'sais. Ensuite, comment choisir la bonne grandeur de télé pour ton salon? Aha. En cette période de magasinage, de loyer. Vas-y, selon ton budget. Ah, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça. En tout cas, moi, c'était ça. Moi, c'était plutôt, je vais le prendre sur 2 ans pour pouvoir m'acheter une plus grosse télé. Exactement. C'est ce que j'ai fait, ça a bien fonctionné quand même. Hein, oui, tu t'en es bien sorti. 50$ par mois, pas super. C'est ça. Bref, lorsqu'on parle de télé, plus gros, c'est pas toujours mieux. Non. Ouais, donc il faut avoir la bonne, le bon salon pour pouvoir faire entrer ta grosse télé. En plus, c'est très difficile à déménager, je trouve, une télé. Oui. Mais bon, si votre salon est plus petit, hein, comme le mien, vous pouvez peut-être finir dans une situation où vous allez être beaucoup trop près de la télé ou encore la télé va dépasser du petit muret. Moi, c'est ça le problème chez moi. Ah, ouais. Si je centre la télé sur mon divan, tu sais, qui est centré dans la pièce, mm-hmm. ben, ça dépasse, c'est plate sur le côté. J'aime pas c'est ça. Vrai. Bref, quelle grandeur est la bonne pour vous? C'est facile quand même, selon Samsung, la grandeur de télé et la distance de votre corps à la télé en pouces. Oui. Divisé par 3. OK. Par exemple, si tu veux t'asseoir à 10 pieds de ta télé, alors t'es à 120 pouces de distance. Divise 120 par 3 et ça donne 40 pouces. Ah! Donc la bonne télé est de 40 pouces. Il y a aussi les angles de vision qui sont quelque chose à considérer et par rapport au placement de la télé aussi avec le soleil et tout ça et tout ça. On dit que la télé devrait être placée parallèlement à vos yeux. Donc pas la télé de côté. J'avais ça pendant un bout de temps chez nous, la télé de côté. Là, ouais, c'est pas le fun ça doit pas être terre. Super ça. Non, pas génial. Pas plus de 15 degrés vers le haut ou vers le bas et pas plus de 40 degrés à la gauche ou à la droite. Si vous êtes assis en angle avec la télé, vous allez voir peut-être une image négative à l'écran avec certaines sortes d'écrans. Vous allez voir des couleurs changer un petit peu. La plupart des manufacturiers vous disent que le maximum d'angle pour regarder la plupart des manufacturiers vont vous dire l'angle maximal avant d'avoir les images négatives. Par exemple, un angle de 170 par 170, ça veut dire que tu vas pouvoir voir une bonne image à 160 degrés en haut ou en bas versus par rapport au centre de l'écran. Ah, OK. Bon, bref, vos yeux seront plus heureux hein, avec cette règle-là de la part de Samsung. Ensuite, question, qu'est-ce que tu fais lorsque tu reçois un courriel qui est destiné à quelqu'un d'autre? Je le lis. Ouais. Pour voir s'il n'y aurait pas des petits... Des petits scoops. Petits scoops. Puis, écoute, je vague à mes occupations. Ouais, c'est ça. J'avoue qu'au début, des fois, parce que je le vis vraiment très, très souvent, mon adresse courriel, c'est M. Plante. Hein? Oui. Et il y a apparemment beaucoup de Michel Plante, des mm-hmm. trucs comme ça. Megan. Il y a une Megan Plante. Ah. Je reçois leur réservation d'hôtel, leur truc pour les assurances. Fait que tu sais, quand c'est quelque chose d'important... Ouais, c'est malaisant, ça, un peu. La première fois, ça se peut que j'écrive, parce que je connais pas la vraie adresse de Megan Plante. T'sais. Ben non, c'est sûr. Fait que je reply à la personne qui a envoyé le courriel, tu sais, désolé, mauvaise adresse, mais après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et quand il continue de t'en envoyer, ben là, à un moment donné, j'arrive et je l'efface. T'sais. Sauf que je peux pas signaler du spam parce que c'est pas du spam. Mais non, c'est ça. Et pour signaler du spam, il faut que plusieurs personnes le signalent avant que ça ait un effet. Fait que ça sert à rien de faire déclarer du spam sur un message comme ça parce que ça en est même pas. Hein? J'ai une amie qui a un nom, je veux pas dire particulier, c'est quand même assez commun. Par contre, il y a une seule autre personne qui porte le même nom de famille qu'elle et qui a le même prénom aussi à travers la planète et elle s'avère être une médecin. Okay. Donc parfois, elle reçoit des courriels d'examen. Oh wow! Elle reçoit les résultats d'examen. Des trucs malaisants, je me suis mis quelque chose dans les foufounes, non? Ben, c'est surtout des radiographies, mettons, puis tout ça. Sauf que l'autre est en Europe, fait que c'est un peu malaisant. Wow! Je sais pas qu'est-ce qu'elle peut faire à ça, donc solution, on va le savoir peut-être. On sait pas. On sait pas, on laisse faire ça, passe au prochain. C'est ça. Donc, quelques petits conseils pour gérer ce problème-là. De la part de Liz Miller, qui opère le blog Wrong Liz Miller, comme dans La Mauvaise Liz Miller, on comprend l'idée. Elle dit qu'elle répond toujours aux courriels qui sont mal envoyés si elle peut, si elle est capable d'aider. Donc, elle utilise même une réponse standard qu'elle peut copier-coller. Par exemple, Wrong Liz Miller, qui est le nom de son blog, donc Mauvaise Liz Miller, veuillez vérifier l'adresse et essayer de nouveau. Ah, c'est comme un genre ouais. de déroule le rebord pour gagner. Veuillez essayer de nouveau. C'est ça. Elle dit que c'est plus une question de karma, parce que ça prend pas vraiment beaucoup de temps, mais elle espère que la personne qui l'a envoyé va pouvoir trouver leur erreur et ne pas répéter ça. Et en même temps, elle dit qu'elle a fait la bonne action de sa journée. Ben hein? oui. Donc c'est tout ce que ça prend la plupart du temps. Et la personne qui a envoyé le courriel va voir qu'ils ont fait une erreur et vont peut-être réenvoyer ça à la bonne personne. Si tu sais à qui le message s'adresse vraiment, comme dans une situation, par exemple, dans un bureau, ça pourrait être bien de l'envoyer par forward ou transfert à la bonne personne. Ce serait très gentil. Ça, je pense que c'est même comme obligatoire, il me semble. Ben oui. Tu devrais absolument faire ça, d'après moi. Mais bon. Bref, il y a des gens qui n'apprennent pas de leurs erreurs, par contre. Et Miller recommande de garder ces messages-là. Ah, un peu okay. comme quand tu reçois une lettre dans le courrier, ils disent « T'as pas le droit d'acheter du courrier. » Ouais, ben là, à un moment donné. Tu sais, donc il faudrait que t'aies une pile de courriels envoyés à mauvaise personne, tu sais. Ô combien plaisant. Pas sûr. C'est ça. Elle dit que si quelqu'un se crée un compte pour un site ou un service en utilisant ton courriel, tu vas peut-être avoir besoin du courriel d'origine pour corriger l'erreur avec ses détails d'identification. Moi, j'irai pas jusque-là. Non, moi non plus. Non, on peut les bloquer aussi. Hein. Oui, tout à fait. À un moment donné, quand tu comprends pas le message après une fois ou deux. C'est ça. Ensuite, est-ce que t'as déjà eu un téléphone qui t'a explosé dans les mains? Ah non, mon Dieu. Non, on veut pas vivre ça. Ben non, du tout. Ben, si ça t'arrivait... Oui. T'aurais besoin de conseils. Certainement. Pour éteindre le feu de ton téléphone. Clairement. Feu, joli feu. Hein? C'est quoi? Pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consomme même mon cœur. C'est ça? Faut pas que je chante avec cette voix-là. Bref, pas après. Pas de chante de cours. Je suis désolée. C'était très bien placé. Après l'explosion. C'est-tu long, 3 heures? Hein? Après l'explosion d'un téléphone à l'intérieur d'un magasin Apple, donc un iPhone, ça a créé quelques blessures mineures. On se demande, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire si mon téléphone, si mon laptop, peu importe, mon hoverboard, hein, mm-hmm. Brûle? Ben, pitch-le au bout de tes bras. Ben, pas sûr que ça va aider ma main. Non? Non. En fuite, t'as pas en courant non plus en laissant le feu, joli feu, se répandre dans la maison. OK. Hein? Voici donc quelques étapes en tant que tel. Commençons par débrancher l'appareil. Oui. Donc, un feu de batterie de téléphone cellulaire, ça empire lorsque ce téléphone-là attire du courant provenant d'une source d'électricité pendant qu'il brûle. Donc, quand la batterie commence à faire un petit hissement ou mm-hmm. à faire une bosse sur son téléphone, on devrait débrancher tout de suite le courant avant de faire autre chose. Bonne idée. Ensuite, on y va avec un extincteur, évidemment. Hein? La moindre des choses. La moindre des choses. La plupart des gens ont un extincteur. Je suis en train de me dire que j'en ai pas. Moi non plus. Eh boy! On est vraiment bien équipés. Mais il y en a un dans l'immeuble. Ah, ben moi non. Comme sur mon étage, en sortant de mon appartement. OK, ouais, c'est pas super. Ouais. Mais moi, ça serait peut-être d'aller cogner chez le voisin en espérant que le feu prenne pas l'ampleur. Excuse-moi, mettrais-tu ton extincteur? Eh ouais. Tu sais, à la place d'emprunter du sucre, c'est ça. Un extincteur. Hein? C'est la petite poudre blanche. On a tous nos moyens. C'est ça. Bref, on a besoin d'un extincteur à feu, donc ajoutez ça à votre liste d'achat si c'est pas déjà fait. Et pour les extincteurs, on dit que tu devrais en avoir un qui est fait pour éteindre un feu de classe B ou de classe C. Classe B, c'est avec des liquides inflammables et des gaz. Et les classes C, c'est un équipement électrique comme un moteur ou des batteries. L'extincteur standard, qui coûte entre 35 et 80 $, devrait être capable de gérer classe A, classe B et classe C. Ils nous ont pas dit c'était quoi classe A? quand même. Ah non, c'est vrai, t'as raison. Bref, il y a une variété d'extincteurs qui sont disponibles, mais cherchez classe ABC et, pour avoir votre extincteur parfait pour votre futur feu de téléphone cellulaire. Il mm-hmm. Y a aussi une petite canisse, une petite cacane de suppression de feu. C'est moins cher, entre 20 et 40 $, plus petit qu'un extincteur standard, qui c'est fait justement pour des plus petits feux. Hein? Donc, bon, pourquoi pas. Ensuite, on va essayer de se rendre au dernier. Il en reste trois. Ben oui, okay? Ben oui, allons-y. Comment ça se fait que t'es pas capable d'arrêter pendant que t'es en train de faire quelque chose, même si tu sais que c'est une mauvaise idée? Ça t'est déjà arrivé, ça? T'es en train de faire quelque chose que tu sais que c'est pas une bonne idée, mais tu continues à le faire pareil. Dit-elle avec la ouais. main en face, avec le « oh boy ». Ça, écoute, ça m'est déjà arrivé souvent. Mais tu nous raconteras pas ça. Non, c'est sûr. Ouais. Il y a de bonheur. Oh, OK. Donc, c'est soit violent ou sexuel. Donc, bon, hein, suffit. Sérieux. Tu sors de chez toi. Mettons, ouais. On va prendre un autre exemple complètement. Okay? Okay. Tu sors de chez mettons, toi. Mettons, je mets pas mon manteau en plein hiver. Mettons, là. Mettons. Mettons. Puis là, je sais, c'est pas une bonne idée, là. Non. Mais je me dis... T'es déjà sorti. Il vaut mieux avoir l'air belle que d'avoir l'air niaise. Ah, tu sais, les filles avec leur petite jupette, là, l'hiver, là, pas de bas collant, là. C'est ça. Tu sais, tout ce qu'on fait à 18 ans, là, finalement, c'est pas très intelligent quand tu y repenses. Mais t'es jeune, fait que ça va passer, tu sais. Ouais, c'est ça. YOLO. Hein? Mais tu sais, le lendemain, t'es malade, puis après ça, tu te demandes pourquoi. Mais t'es belle une soirée de temps. Exactement. Bref, tu sors de chez toi, mettons, puis tu vois qu'il y a une plaque de glace, mais t'es déjà en train de mettre le pied par terre, t'es pas capable d'arrêter. Okay? Comme toi, l'année passée. Comme moi, l'année passée, exactement. Donc, ta tête aimerait oui. que t'arrêtes. Ben oui, certainement. Pour pas te blesser. S'il vous plaît. Mais ton corps ne reçoit pas le message à temps. Oh, misère. C'est ça qui se passe dans ton cerveau. Selon une étude récente conduite par les neuroscientifiques de la Johns Hopkins University, ça a été publié dans le journal Neuron. On a seulement quelques millisecondes pour changer d'idée et ah, arrêter ouais. notre action après avoir eu le signal d'y aller par okay. notre cerveau. C'est pour ça qu'on souvent on sait qu'on est en train de faire une erreur pendant mais qu'on on y va pareil. C'est ça. Précédemment, les scientifiques pensaient qu'il y avait seulement une région du cerveau qui était active lorsque les gens essayaient de changer leur parcours, donc ce qu'ils étaient en train de faire. Ouais. Mais maintenant, ils ont réalisé que s'arrêter comme ça, ça demande une chorégraphie rapide entre différents endroits dans ton cerveau. Et avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile. Ben oui, c'est sûr. Hein? Donc, ils ont de la misère à connecter les endroits du cerveau pour te faire arrêter. C'est trop long. C'est pour ça que finalement, vous mettez le pied sur la glace quand même. C'est fou, hein? On a aussi l'exemple de conduire et d'approcher une intersection quand la lumière vient tout juste de devenir jaune. Ton cerveau décide d'accélérer et faire de la vitesse. Et aussitôt que tu remarques que la police est en train de te regarder, t'essaies de changer d'idée, tu vas appuyer sur les freins, mais il est trop tard. Il est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Bref, quelques millisecondes pour remarquer les choses. Moins mm-hmm. de 200 millisecondes, en fait. Moins d'un quart de seconde. C'est vrai. Wow. Ensuite... Oui, tu disais. Je disais donc de gérer ton attention et non pas ton temps. Gérer ton attention? Et non ton temps. OK. Gérer ton attention, L'attention que tu donnes à quelque chose. L'attention que tu donnes à quelque ou chose. Ou à quelqu'un, les dépendant deux, en fait. De ta sphère. Les deux. Donc, des fois, on se sent un petit peu surpassé par les événements. Le problème, c'est peut-être pas que t'as pas assez de temps, mais c'est que t'as pas assez d'attention. Donc, c'est chez Quartz que Srinivas Rao écrit que la gestion de l'attention est la clé pour accomplir des choses. Si tu gères ton attention, ta gestion du temps va être plus facile à faire. Donc, la gestion d'attention, c'est plus que de ne pas regarder tes médias sociaux à chaque 5 minutes. Hein, c'est ça et c'est ouais, autre chose aussi. Ouais. Mais c'est aussi d'avoir des priorités sur qu'est-ce qui mérite ton attention. Ah, ben oui. Hein? Donc, Rao divise les activités en travail profond et en travail peu profond. Okay. Donc, superficiel, si on veut. Les deux prennent de l'attention, mais ils ont différents effets sur ton cerveau. Paradoxalement, les activités avec un travail profond, donc qui demandent un investissement significatif de votre attention, taxent un petit peu moins, sont moins intenses sur votre sens du focus. Donc, ça ne te fatiguera pas aussi rapidement et tu vas pouvoir accomplir plus de choses. Alors que le travail superficiel, qui a l'air d'être plus simple à gérer, donc, je sais pas... Donc, je sais pas, te check-iner sur un endroit sur ton téléphone, mettons dire je suis à tel endroit, quelque ouais. chose de vraiment superficiel, aller voir Twitter pour répondre à quelqu'un ou peu importe, tout ça, ça te distrait plus. Ok, un travail profond. Ouais, ok, je comprends, c'est... Ouais. Donc, la gestion de l'attention, c'est pas seulement de s'arranger pour pas avoir d'attention dans trop de domaines en même temps, mais plutôt en focusant, en rendant ça moins large. Et ça va améliorer ta productivité. C'est de revoir tes priorités, dans le fond. C'est pas mal ça, finalement. Ouais. De pas te laisser déconcentrer par des petites choses. Mm-hmm. Et pour terminer notre bloc de 15, ici, on va parler de « C'est correct de jeter ses cadeaux ». Ces cadeaux qu'on reçoit? Ouais, ben ceux okay. que tu donnes. Là, ouais. Donne-les, okay. Tu sais. D'accord. Ou garde-les. Tu sais. Mais un cadeau que tu reçois, c'est, ça peut arriver. Des fois, tu reçois un cadeau de quelqu'un et tu l'aimes pas nécessairement. Donc, est-ce que toi, tu garderais les cadeaux pour toujours? Est-ce que tu laisserais, est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un se présenterait chez toi, que tu sais qu'il t'a donné ce cadeau-là, tu ressortirais l'objet juste pour que la personne le remarque? Non. Non, moi non plus. Je suis vraiment pas... J'ai pas assez de cœur faire ça, dans le fond. Je m'excuse. On est peut-être un petit peu méchant. Ah, je suis désolée. Non, c'est pas vrai. Si la personne me tient vraiment à cœur... OK! Je vais le faire. Non, mais tu sais, mettons, quelqu'un t'a donné un chandail, quelque chose, là. Tu vas être obligé de le porter à chaque fois que tu vas le voir. Non. Une pas fois, à chaque fois, assez. Là. Hey, à un moment donné, je veux dire merci, là, c'est correct. C'est ça, on a si compris. Si je décide de pas le mettre, c'est ma décision. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que je pense aussi. Bon. Même chose pour n'importe quel cadeau, des petits gadgets, des trucs comme ça. Pas. C'est, on n'est pas. La vie est, tu sais, trop courte. C'est ça, exactement. Tu sais, pis t'as pas à te justifier dans vie pour ça, mais ça. Mais non. J'aurais pas pu mieux dire. Bon, ben t'aurais sûrement pu mieux le dire avec une meilleure voix et pas de stop à chaque mot. Peut-être. Mais bon. Bref, une fois que t'as eu le cadeau, est-ce que c'est mal de se débarrasser de ce cadeau-là? Bon, oui, selon nous deux. Hein? À moins que la personne s'attende vraiment à ce que, leur cadeau ce soit sur ton corps ou sur quelque chose comme dans ta maison, comme un cadeau qui a été donné pour être spécifiquement une décoration. Ouais. Et là, ils vont probablement remarquer. Mais même là. Même à ça? Même à ça. Qu'est-ce que... Ça te regarde, t'sais, genre. Si quelqu'un d'autre peut le savourer plus que moi, je peux te donner quelqu'un d'autre. Si c'est un cadeau, je ne te l'ai pas demandé. C'est ça. Il y a personne qui t'a dit de m'acheter ça. Exactement. De me procurer ça. Si je le voulais, je l'aurais acheté. C'est exact. C'est ça l'histoire avec les cadeaux. On me demande tout le temps, genre, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Ben, ce que je veux, je me l'achète déjà. Mais ça dépend. Tu sais, je pense qu'un cadeau on the fly, là, comme ça, tu décides de faire un cadeau à quelqu'un. J'ai un peu de difficulté. Achète tout le temps un cadeau qui est mangeable, comme ça, t'as comme une raison de ne plus l'avoir, c'est parce que je l'ai mangé. Ou je l'ai jeté. Ouais. Non? Ou qui peut être utilisé à plusieurs choses. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec ça. Bref, une fois que t'as reçu le cadeau, tu peux gracieusement juste dire merci. Et oui. Ton obligation, selon l'article ici, est terminée. Oui, une fois que t'as dit merci, c'est terminé. Hein? Donc, on se rappelle, c'est fini. Lisez le cadeau. Hein? Retourne chez vous. L'acheter, l'emballer, l'ouvrir, le câlin, c'est fait. Il n'y a plus de fardeau après ça. Ah, pas de câlin, s'il te plaît. Non, je sais, moi non plus, j'ai assez de rhume demain, mais... Je vais juste te dire merci. Je vais probablement te donner deux becs si je joue, mais je veux pas de câlin. C'est déjà beaucoup. Ouais. Petit coup de coude, là. Petit bump de fesses, là, quelque chose genre. Sinon, donnez-le à quelqu'un, donnez-le à une œuvre de bienfaisance. Le redonner à quelqu'un qui va l'aimer plus que toi. Le vendre dans une vente de garage. Le recycler, le jeter, peu importe. Même chose qu'avec votre ex, dans le fond. Bah! Mais ça, les gens de charité, aiment pas tant ça. Ouais, non, c'est ça. C'est un peu plus malaisant. Voilà pour les escrocs assemblages, maintenant que je suis complètement à la fin de ma voix. C'est merveilleux, j'adore ça, Mathieu. Merci beaucoup. Tiens, on écoute Gun Dogs. Voici The Road Ahead. Et au retour, une grosse pointe d'allresse s'en vient. Édition spéciale, le lundi. Alléluia! Mes frères. Thank you. Arte Gun Dogs avec The Road Ahead. Progressif comme musique, très élevé au début. En effet. Mollo à la fin et interruption sèche à la fin. Oui, c'est fin. Ça, exactement. Autour une grosse pointe en dresse. Ça, ce sera pas sec, ça va être non. Mouillé à mouillé. Souhait. Mouillé. Oui, non. Aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Aujourd'hui. I have no nulle part. C'était la pièce Couleur des faces de Hibou Hibou. C'est vrai qu'on s'en va pas nulle part. Mais non, on reste ici. On n'a pas besoin de s'en aller parce que la bière vient à nous. Oh mon Dieu! C'est magnifique! C'est parfait. Dans une édition spéciale d'une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la clé dans laquelle on goûte à un produit qu'on a gardé pendant pas mal de temps, finalement. Oui, oui, parce que Mathieu était malade. J'étais malade jeudi dernier, donc on a mis ça sous le bureau de Tania. Oui. On a reçu ça gracieuseté du Buck Ale. Oui, exactement. Puis si vous vous rappelez, bien, on avait discuté un petit peu plus tôt ce mois-ci, en fait, que vu que c'était le 28 jours sans alcool, nous allions, Mathieu et moi, chaque semaine, déguster quelque chose, un breuvage sans alcool. Et jusqu'à maintenant, on a goûté à du mousseux de ta part, qui était excellent, de la Budweiser Prohibition, qui était... qui était moins merveilleuse. C'est ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a goûté? Donc, je pense que c'est la troisième. C'est le troisième, oui, exactement. Le mois est très court. Hein? Le mois est très court, 28 jours. Et là, on s'est dit qu'on allait le faire aujourd'hui parce que, bon, jeudi, en fait, va être le 1er mars. Mmh. Ça va être terminé, le 28 jours sans alcool. Alors, oui, tu l'as dit, c'est le Buck Ale qui nous fournit ça. On a deux bières à goûter ce matin, Mathieu. C'est excitant. On a la bière qu'on a fait spécialement pour le 28 jours sans alcool, donc qui est la IPA Découverte, qui est, comme je viens de le dire, une sans alcool. Ouais. Et sinon, on a la Trou Noire, donc c'est une stout sans alcool qui, elle, existait déjà au Buck Ale. Stout, c'est foncé, ça. C'est plus foncé, oui, en effet. Donc, on a une pâle et on a une foncée. On a vraiment deux dégustations très distinctes ce matin. Et si tu me permets, je vais décapsuler, mais quasiment la première, voilà, pour avoir les informations sur le produit. Donc, c'est son petit rack en plastique qui met les canettes. C'est ça. Bien évidemment, c'est inscrit sur la canette de servir quand même très froid, donc de garder au froid. Dehors, ça va, ça? Hein, c'était froid dehors? Oui, c'était très froid dehors, je vais te le dire. Et puis, on parle d'une grande découverte pour l'équipe de recherche de la Brassicole. Donc, c'est une symbiose parfaite entre la fraîcheur mordante d'une bonne IPA terrestre américaine et l'univers auparavant insipide du sans-alcool. Donc, indubitablement, le meilleur des deux mondes. Et puis, bon, vous avez bien évidemment le niveau d'alcool qui est zéro. Calories 39, si vous voulez savoir. Le houblon, c'est le Galaxy, le Citra, le Mosaïque et le Écuanote. Je ne connaissais pas ça. Et la particularité, c'est bien inscrit, c'est sans alcool. Mais donc, t'as dit 0,5. Oui, 0,5. Si t'es vraiment abstinent complètement. Mais, non, mais comme on le disait, on n'a pas le choix d'inscrire 0,5 pour quelque chose qui a déjà été alcoolisé et désalcoolisé par la suite. Exactement. Ouais. Et en bref, ça dit sèche et houblonné. Sèche et pleure, ma sœur. Sèche et pleure, ma sœur. Voilà. Bien. Donc, micro magique prêt. Il est quand même bien juste 9h15. C'est ça. On a apporté des verres en passant. Pour pas se mettre la bouche dessus, même si on a chacun une, quand même. Oui. C'est de la générosité de la part du Buck Ale. Merci beaucoup. Merci oui, en effet, merci beaucoup au Buck Ale. Elle a l'air particulièrement transparente, non? En tout cas, on la verse. Elle sent les agrumes, Mathieu. Ah. Je vais pour la deuxième. C'est plaisant. Donc, évidemment, il va y avoir un petit peu de mousse, considérant la façon que je l'ai versé. C'est ça. T'en as mis pas mal dans les verres, non? Oui. Notre canette est presque vide. Oh! Voilà. Merci beaucoup. Donc, si tu le sens... En tout cas, moi, je trouve que ça sent quand même l'agrume, là. Oui, oui. Je pense que ça sent un agrume précis, non? Le citron? Le citron, j'allais dire aussi. Il y a comme un petit côté... citronné. Citronné, oui, oui. Pas comme du savon, là, mais quand même. Évidemment, le houblon ressort. Là, on sent que ça serait une bière de microbrasserie quand même assez... je vais pas dire quand même assez forte, mais on sent quand même que c'est pas de la Budweiser, tu sais. Ben, c'est ça. Ça devrait être assez différent de la dernière bière qu'on a goûtée ensemble, la Budweiser Prohibition, qui était assez dégueulasse. J'en ai rebu une autre. Il y en reste encore trois chez nous, puis j'ai pas tant envie de les boire. T'sais. Non, c'est ça. C'est pas merveilleux au goût, mais celle-là, un coup mal pris. J'ai quand même l'impression ça, que... Ça va être de la qualité, d'après moi. C'est le d'après Bokel. Moi, oui, c'est ça. On a déjà... Bokel, on vous le rappelle, c'est à Drummondville, hein, donc ben c'est oui. pas super loin. Et à Trois-Rivières, vous pouvez vous les procurer au Gambrinus. Ah, que c'est fin. Qui est juste sur des forges. En fût? En fût et en canette aussi. Il y en a en fût à la chasse-galerie aussi, du Bokel, non? Oui, du Bokel, mais pas les sans-alcool. Pas les sans-alcool. Non, je leur ai demandé l'autre fois, est-ce que vous avez du sans-alcool, non? Non. Ben là, ah, j'avoue que les étudiants, tu sais, sans-alcool, c'est comme... C'est ça, c'est un peu plus dans la face. Eux, hein? C'est ça, exactement. Donc, t'es prêt? Je suis prêt. Allons-y. Tchin-tchin. Tchin-tchin. Oh! Un petit piquant citronné, vraiment, hein? Oh, agrumé, frais, très frais. Très, tellement frais. C'est de la bière de piscine, ça, là. Hey, c'est bon. Mais ça, c'est super bon. Oh, c'est de la bière d'été. Moins, je dirais, moins... Moins agressante. Moins qu'une bière probablement avec alcool. Ouais. Je pense que j'aime mieux ça que de la bière normale, pour Écoute, je me mettrais une tranche de citron là-dedans. De plus? Ouais. Moi, je trouve qu'il y en a assez. Ou de citron, d'orange. Peut-être. J'aime Est-ce que c'est marqué dans les ingrédients s'il y a du citron ou de l'orange? Non, du tout. Parce que moi, je pense que je boirais ça pas mal plus souvent que de la bière normale. Donc, j'aimerais qu'il l'embouteille. Ben, écoute, on a un niveau d'amertume quand même qui est franc. Franc. C'est ça. Okay. C'est marqué franche. 72 IBU. Franche, donc elle a une toupette. C'est ça. C'est ça. Une petite toupette de blum. Une franche. De blum. De blum. T'as tout compris. C'est ça. Bref, non, je l'aime beaucoup. Très citronnée. Très rafraîchissante. Oui, exactement. Elle me tape pas ses nerfs du tout, contrairement à de la Budweiser la dernière fois. Elle me fait penser un peu comme ça. À de la O'Garden. Ah, pas fou, t'sais, ça. Tu sais, le goût quand même assez agrumé d'une O'Garden. Ouais. Je connais pas tant la bière, là, mais ça me rappelle un petit peu, on avait goûté à une Radler au pamplemousse à un moment donné. Ça me rappelle un peu ça quand même, pas mal beaucoup. Ouais. Dans le bon sens, ça, j'avais beaucoup Frais, extrêmement frais. Tu sais, comme l'été, si ça me tente pas de boire une bière avec alcool, probablement que je me boirais ça. Tu sais, je boirais pas ça, mettons, en chillant comme ça, ben normal, un soir d'hiver. Je le sais pas. Non. C'est peut-être trop rafraîchissant pour ça. C'est une bière de sur l'heure du midi, tu sais, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Sur bord du barbecue. Genre. Ou dans la chaloupe en pêchant. Chaloupe! Dans la chaloupe en pêchant. Ouais. Pas mal bon, ça. Est-ce que t'es prêt pour la deuxième? On va y aller pour la deuxième. On va y aller pour Tant la deuxième. Tant qu'à être là. T'sais. Ah, c'est difficile, hein. Clac. Voilà. Ça, ce petit truc de plastique, là, c'est... Mais c'est merveilleux, par Ah, c'est merveilleux pour les tenir, mais... Donc, on parle d'une de trou noir, une stout sans alcool. Donc, automatiquement, une stout en temps normal, c'est beaucoup plus foncé, beaucoup plus, encore une fois, je dirais quasiment amertume. Mm-hmm. Mais là, ici, on parle d'une amertume qui va être douce, couleur bien évidemment noire. Le houblon, c'est du East Kent Golding. Et en bref, chocolat et café. Ah, ben ça, il dit tout le temps ça, et moi, je le goûte jamais, ça. C'est ah ouais? Moi, hein? Ben je suis là, pas un fan de foncé. Écoute, la description de la canette dit « Laissez-vous emporter par l'attraction de ce stout. Autour de sa robe noire opaque, gravite une mousse beige mocha d'une masse dense. Ah. Et les saveurs de chocolat et de noix s'entremêlent à celles du café et du grain rôti. Au final, une onde herbacée se propage en bouche. Tous les éléments sont réunis. Seul l'alcool semble s'être volatilisé. Le trou noir, un stout sans trou de mémoire. Crime, je veux dire, il pourrait gagner un prix d'écriture, ces gens-là. C'est merveilleux comme description, j'adore Bravo. Ça. Puis là, on m'a vraiment titillé, en fait, avec les noix et le grain rôti. Ah ouais. Je suis comme un café. J'adore croustiller. J'aime bien grignoter des grains de café. Ouais. Et si ça goûte un petit peu ça, je serais fan. Mm. Parce que comme je te dis, j'aime pas tant la bière noire d'habitude. Parlons un petit peu du visuel avant de l'ouvrir. C'est vraiment très beau là. C'est vraiment ça, c'est beau. C'est mon genre. C'est noir et blanc avec un gros trou noir au milieu, avec des ondes, des particules qui tournent autour. Et je sais pas si c'est deux planètes ou deux traces de doigts. C'est pour la tenir quand faut que tu tiennes la canette comme ça, je pense. Je sais pas. Non. Bref, c'est très joli. Ouais. Comme ça. Ouais, ben je pense que oui. Ah ben sacrifice. C'est une place, mets tes doigts. Mathieu, t'as complètement raison. Ben, j'ai changé ta vie. Ben, je pense, c'est quand... C'est le positionnement de tes doigts si tu buvais une bière. C'est incroyable. Hey, pour vrai, j'ai deviné ça, moi. Je me sens comme un devin. T'es Merci. Fort. C'est peut-être pas ça, mais on va... Ben, ça va devenir ça. Ils vont pouvoir l'écrire sur la prochaine C'est canette, ça, exactement. Hein? Donc, on ouvre ça. C'est la Bokel Trou Noir. Oh. Hey, hein? Une belle couleur. Ouais. à s'en lécher le doigt, comme elle vient de faire. Une belle odeur. J'y vais. Ih, c'est foncé, on dirait du coke. On dirait que tu verses du coke. Oh, on la voit, la belle mousse là, dont tu parlais. Hein. Oui, oui, oui. Je sais pas si elle va être trop froide, celle-là. Ah, j'avoue que la noire, d'habitude, c'est peut-être un petit peu plus tiède que froid. Je sais pas. Je dis n'importe quoi, je connais tellement rien. Mais les deux étaient au frais au même endroit, donc... Oui. Merci, Tali. La bière a été donnée. Regarde la mousse, Mathieu. Admire mousse. Hey, ça a même pas été versé en diagonale comme on est supposé pour faire de la mousse. Non, exactement. C'est vraiment... Oh, je sens le café et le chocolat, par contre. J'ai un peu le nez bouché, hein, il était malade. C'est vrai, mais... Mathieu est malade, on se rappelle. D'où les verres pour pas se passer à la calotte. Mais, oh... Ça sent le... Je trouve, il me semble, le chocolat, je le sens plus que le café, non? Oui. Ça sent... C'est con, là, c'est sûrement mon nez bouché, mais ça sent un petit peu genre le... C'est sûrement parce que c'est fumé, ça sent un petit peu le bacon fumé. Ah, tu vois, moi, j'associais pas ça à ça, mais maintenant que t'en parles... Ah, bon. Hein? Je voyais plus des noix... grillées. Ah, les petites noix. Ouais, ouais, j'avoue. Style, comment t'appelles ça? Hickory? Ouais. Hickory. Ça, bon. En tout cas, ça a l'air bon. Hein, ça a l'air très bon. Allons-y. Goûtons. Goûtons. Oh. Ça goûte tellement pas la bière. Ça goûte vraiment les noix et le café. Ça sent le chocolat, mais au goût comme ça... Mais c'est que ça c'est comme de la bière sans le goût que j'aime pas de la bière. Ouais, c'est ça. Parce que le noir, d'habitude, j'ai tout le temps le petit... tu sais. Puis ça, mon Dieu, j'en... Ça se boit. À boire en déjeunant. Ah, ben là, je suis pas mal sûr que le bocal accepterait ça. Un brunch sans alcool. Non, mais avoue qu'il y avait des petits œufs bacon fumés. Hein, hey, oh. Avec ça. Mais très froide comme ça, ça fait effectivement déjeuner. Ça fait quasiment, pas boisson gazeuse, mais tu sais, un petit drink fancy, genre espresso froid. Exactement, espresso, c'est ça que j'allais dire. La texture de cette bière-là. Un petit peu de crème fouettée là-dessus, là. Hein? La texture me rappelle vraiment un espresso double. Ouais. Tu sais, c'est lisse, c'est bon en bouche, ça reste, c'est quasiment... C'est crémeux. Oui, c'est quasiment café glacé, cappuccino, quelque chose. Oh mon Dieu! Oui, d'habitude, pour vrai, de la noire, quand tu me l'as sorti, la noire, j'étais sûr que j'avais pas aimé ça. Moi aussi, en temps normal, tu sais, j'arrête après la blonde ou la blanche parce que parfois, je vais accepter une rousse. Oui, c'est ça, c'est... Mais une noire, c'est... Jamais je bois une noire. Ouais. Mais là... Je suis surpris, moi. Puis je vous l'aurais dit. Croyez-moi, c'est pas parce que le bocal nous a envoyé ça. Non. Que j'aurais pas dit. Ouais, c'est pas pour moi. Je m'attendais à dire, non, c'est pas pour moi, mais merci. Non, finalement, ça l'est pour moi. Je pense que c'est ma préférée. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, j'adore le goût de café comme ça. Et à chaque fois qu'on est deux grands amateurs de café, je veux dire. Mais c'est tout le temps, on s'entend quand on magasine des bières, c'est tout le temps écrit sur l'emballage café, noir, chocolat, blablabla. Je fais comme, ouais, c'est ça. Celle-là, ça marche. Ça, c'est... ouais. Ah, oh, mon Dieu! Mais il faut dire qu'on avait un parti pris à la base parce qu'on trippe un petit peu sur le bocal depuis qu'on a goûté à leur bière à l'automne, au chaud de la rentrée. Oui. C'est pour ça qu'on les a approchés pour goûter à leur nouvelle bière sans alcool. Donc, exactement. On avait déjà une bonne opinion du bocal. Vous mettre en situation, Mathieu et moi, on est restés au stand du bocal toute la soirée. Hey, les hot dogs. Hey, la bière. Hey, bon. Hé là là! Comme un fringant. Ouais, c'est ça. C'est bon. Un merveilleux show de la rentrée. On a aimé vous animer ça. Oui, c'est ça, vraiment. On était heureux d'être là. Donc, le bocal, trou noir. Oui. Pouce en l'air, mais très fort. Alors, très, très fort. Puis la IPA découverte, qui est blanche, je dirais, d'été. D'été. Sur le bord de la piscine. Ouais. Ou encore, juste en rentrant dans le spa. Dans le spa, OK, oui, parfait. Tu sais, faire le contraste chaud-froid. Ouais. Excellent. Pouce en l'air. Pouce aussi. En l'air. On a l'air d'être comme pas le choix. On a l'air d'être deux vendus, genre, parce que c'est le bocal qui nous a envoyé, mais c'est vraiment notre vrai pouce en l'air. C'est ça, exactement. C'est pas un faux pouce, là. Je suis pas un magicien, moi, avec un pouce de plastique. Exactement. Qui est supposé pas paraître. Là. Puis si vous vous demandez à quoi elle ressemble, ben ne vous inquiétez pas, je vais mettre photo sur la page Facebook d'Assemblage Ricky. Maintenant que ton téléphone avec de la place dessus. C'est hein? Ça, t'as-tu compris? C'est ça. Ah, mais c'était excellent, ça. Merci, c'est le bocal. Merveilleux. Merci au bocal, ouais. Vraiment. C'est toute noire, sans alcool. J'y retourne à l'instant. Ouais. Mm-hmm. Avec un petit Netflix. Ah ouais. Puis on se refait ça quand vous voulez, Bocal. Hein? Mm-hmm. Si vous voulez d'autres sortes, là, on est preneurs. Exact. Merci. Merci. Voilà, pour ce bloc d'une grosse pointe adresse, on va être rendu à prendre une pause. Après ça, on va continuer une grosse pointe avec un petit bloc, petit bloc. Il va rester une demi-heure. Ouais. On va tirer à pile ou face, voir ce qu'on fait dans le reste. Mais sinon, Mathieu, on vient de boire de l'alcool. Ouais. Et souvent, en buvant de l'alcool, ou après avoir mangé, on se sent ballonné aussi. Oui. Ben, après la pause, je vous dis pourquoi. Oh my God! Oh my God! Hey! Ah, c'est là. Aujourd'hui. C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Aujourd'hui. Thank you. Gone avec Signal Hill à Assemblage requis. Maintenant, on va ballonner un peu avec Tania Is Gonna Entertain You. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. On parle donc de ballonnement dans le ventre. Oui, exactement, parce que bon, on vient de boire de la bière, ce qui est composé quand même de CO2, on se rappelle. C'est du dioxyde de carbone. Il y a des petites bulles là-dedans. Mais souvent aussi, après avoir mangé, vous pouvez vous sentir ballonné. Et je me suis dit, pourquoi pas en discuter ce matin, parce que la semaine dernière, on parlait de probiotiques. Ouais. On a fait quand même un bon segment là-dessus à discuter d'intestin, de digestion et ce genre de choses-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer dans cette lignée-là, en plus qu'on a déguster de la bière ce matin, mais surtout au niveau de la nourriture. Parfois, peut-être, est-ce que vous vous sentez gonflé après avoir mangé? Ouais. Et là, vous vous dites, tu sais, pourtant, j'ai pas mangé... d'hélium. J'ai pas mangé d'hélium, j'ai pas mangé si mauvais que ça, j'ai pas mangé du McDo ou quoi que ce soit, mais avoir le ventre dur ou même parfois douloureux, ça amène des ballonnements, bien évidemment, et c'est la présence d'air dans votre système gastro-intestinal qui va causer cet inconfort-là. Ah ouais. Ben oui, un petit peu comme la bière, là, c'est de l'air qui se trouve à l'intérieur, donc automatiquement, ça se rend dans votre ventre. Délicieux air. Exactement. Hein? Donc, si vous avez des inconforts de ce style-là, bien, en premier lieu, regardez ce que vous avez mangé. Ouais. Parce que les légumineuses et les crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur et le chou, souvent vont être les principaux coupables de ces fameux ballonnements-là. Donc, lors de la digestion, il y a un certain composé comme le soufre qui va être libéré sous forme de gaz et ça va tendre à faire gonfler votre ventre. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir un ballonnement dans le fond. Et les ballonnements, bien, ça peut aussi provenir des boissons gazeuses, comme on le disait, que ce soit la bière ou encore le soda, l'eau pétillante, le Pepsi, si vous buvez du Pepsi ou du Coke ou peu importe, pour pas les nommer tous. Mais on contient, c'est parce qu'elles contiennent des petites bulles d'air. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, que vous allez avoir des ballonnements. Yeah. Donc, les petites bulles vont rester emprisonnées dans votre tube intestinal et c'est pourquoi vous allez mal vous sentir. C'est qu'en temps normal, cette bulle-là, elle va chercher à sortir. Donc, on va, en effet, se cogner sur les parois du tube intestinal et on va réaliser pour le CO2, en fait, pour le gaz qui va se trouver à l'intérieur que vous, qu'il n'y a pas de façon de sortir de là jusqu'à présent. Donc, on va bouger et c'est ça souvent qui va vous causer les douleurs au terme du ventre. Ah. Mais si vous désirez réduire l'accumulation d'air dans votre estomac, bien, il y a quand même quelques petits trucs qui peuvent vous aider à réduire les malaises qui sont liés au ballonnement. Prenez le temps de manger. Donc, en prenant le temps de bien mastiquer. Mastiquer, ouais. Par la suite, vous pouvez rincer vos légumineuses avant de les manger. Ah. Vous pouvez faire attention aussi à la parole, parce que ça a été observé que si vous parlez en mangeant, vous allez contribuer à vous faire avaler beaucoup plus d'air. C'est logique. Et c'est pas l'idéal, parce qu'on veut éviter d'être ballonné, on veut éviter de gagner plus d'air, donc discutez moins en mangeant. Il faudrait faire blanchir vos légumes dans l'eau chaude aussi. Par la suite, vous pouvez réduire votre consommation de boissons gazeuses. Et le dernier m'a quand même assez surprise, mais évitez de mâcher de la gomme. Ah, OK. Parce qu'en fait, en mâchant de la gomme, on s'en rend pas compte, mais on accumule de l'air dans notre bouche et automatiquement, lorsqu'on va mâcher de la gomme, on va avaler notre salive. Mais notre air, on va l'avaler aussi en même temps, ce qui fait en sorte que rien qui descend dans notre estomac autre que de l'air. Je lisais un article en fin de semaine, j'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est Sean Spicer, l'ancien représentant du président à la Maison-Blanche, qui mange comme plusieurs paquets de gomme à la cannelle juste en un avant-midi. Je pense que c'était 35 bâtons, quelque chose comme Dieu. Ça. T'imagines comment il doit avoir des reflux et du ballonnement incroyable. Et puis en plus, il a dit que son médecin lui a dit que c'était correct d'avaler ses gommes. Ah. Fait qu'il mange une gomme, il l'avale, il en prend une autre. Il en mange, il l'avale, il en prend une autre. Ah mon Dieu, c'est tellement pas bon. Mais moi, je faisais ça avant, j'avalais mes gants. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, quand ça ressort, là, c'est quoi? Ben, je sais pas. Tu fais des bulles? Non, ça se décompose. Ah ouais? Ouais. Ouais, en tout cas, j'ai jamais vraiment observé, là. Mais. J'ai jamais vraiment observé. Merci. Écoute, je suis désolée. Mais il y a aussi une tendance ces temps-ci qui est de se nettoyer l'intérieur. Ouais, ouais, un petit lavement. Un petit cleanse, là. Ouais. Souvent, ça va se faire avec des jus. Par contre, sachez que votre intestin n'a pas besoin d'être nettoyé, mesdames, messieurs. En fait, on a une idée qui se fait que l'intestin accumule des déchets et qui doit être nettoyé. Parce qu'on sinon, on dit que, bon, notre intestin va commencer à moins bien fonctionner. C'est faux. Faux. C'est faux. C'est totalement faux. Plus précisément, on entend dire que, bon, hein, les matières qui se retrouvent à l'intérieur de nous vont s'accumuler. Ça va s'entasser, ça va se putréfier et ça va s'incruster dans la muqueuse intestinale, ce qui va appeler justement la plaque mucoïde. Ceux qui font souvent des nettoyages intestins vont parler de ce genre d'informations-là, mais les conséquences sont censées être multiples. Donc, on parle aussi de la malabsorption des nutriments, de la maladie inflammatoire, des infections parasitaires, le trouble de santé mentale, bon, l'accumulation de substances toxiques dans notre corps, ça nuit à la santé, etc., etc. Et les traitements qui sont proposés vont inclure typiquement de l'hydrothérapie ou de l'irrigation du côlon. Les lavements qui sont faits parfois aussi avec du café sont des cures à base de plantes médicinales. Vous les avez probablement déjà vues ou entendues parler. Mais pourquoi est-ce qu'on tient à rectifier l'information de dire que, bon, c'est pas vrai que notre intestin doit être nettoyé? D'une part, c'est parce que la croyance pousse les gens à chercher des soins et à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Ouais. Ça génère en fait de l'anxiété et des dépenses qui sont quand même assez inutiles. C'est ça, on de l'argent dire. Pour les compagnies qui t'évendent. On s'entend que quand tu fais le petit cleanse, je pense pas que ça soit 50 cents la bouteille du cleanse, hein, puis t'en as comme 14 à prendre, fait que de ce côté-là... Ça, c'est sûr que tu prends par la bouche, parce que t'entends parler de ceux qui font des lavements par le popotin. Oui, non, moi je te parle du jus, okay. Le cleanse. Ouais, non, mais ça aurait pu être du jus par les fesses aussi. Oui, non, en tout cas... J'ai pas entendu parler de ça. Non. Mais d'autre part, parce que les soins et les produits en question, ça peut poser un danger pour la santé des gens, dont celui de retarder ou encore de freiner l'accès à des traitements qui sont médicaux, qui sont réellement nécessaires. C'est un mythe qui est quand même assez répandu. Et pourquoi est-ce qu'on se dit que ce mythe-là s'est répandu aussi rapidement? Sur quelle idée est-ce que ça se repose? Bien, en fait, l'idée de l'auto-intoxication par les excréments, c'est pas nouveau. Ça remonte au moins à l'Égypte ancienne et c'était également présent dans la Grèce antique. Mais on a persisté jusqu'au début des années 1900. À ce stade-ci, les connaissances scientifiques quant au corps humain ont fait en sorte que la théorie tenait pas nécessairement la route et on a rejeté, en fait, ce côté scientifique-là. Et la communauté scientifique a fait en sorte que, bon, la grande communauté a rejeté l'idée que c'était quelque chose de bon à faire. Si l'idée persiste de nos jours, c'est qu'elle est perpétuée par des naturopathes. Oui. D'ailleurs, le terme plaque mucoïde, ça aurait été inventé par un naturopathe qui est Richard Anderson, qui commercialise une cure de nettoyage de l'intestin. Y a de nombreuses célébrités aussi qui ont également vanté des espèces de vertus de l'irrigation du côlon puis du lavement. Sûrement Gwyneth Paltrow. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. C'est pas Gwyneth Paltrow qui parlait de ça, le pollen avec du café dans les fesses. Elle est très gris. Ah, donc t'en avais entendu parler. Mais je savais pas c'est du jus. Non, c'est du café. OK, c'est ça. Ouais. Donc, de plus, en fait, on a vu une espèce d'intérêt populaire qui a été marqué dans les dernières années pour que tout ce qui concerne l'intestin, là, de mieux sentir, donc les microbiotes, les aliments fermentés, le deuxième cerveau, ça serait notre intestin, ce genre de choses-là, ça le fait en sorte qu'on s'est vraiment plus moussé l'idée que, oui, notre intestin pouvait avoir besoin d'être nettoyé. C'est un intérêt qui joue forcément en faveur des adeptes de l'irrigation du côlon, mais c'est pas super bon parce que la science sur ce point-là dit que l'hydrothérapie du côlon, ça se base sur des concepts qui sont non existants en science. Oh wow. Plus d'une fois, on a demandé des preuves lorsqu'on affirme que la plaque mucoïde n'existe pas. Et c'est un bel exemple de ce qu'on appelle en fait le renversement du fardeau de la preuve. Ben oui. C'est comme s'il fallait prouver que ça n'existait pas. C'est ça exactement. C'est pas aux scientifiques, mais bien aux hygiénistes du côlon de prouver la fameuse plaque qui existe. C'est pareil comme Dieu. C'est ça, exactement. Donc, s'il y a des déchets qui s'accumulaient vraiment là, dans l'intestin, on pourrait aisément observer ces déchets-là par des médecins, par exemple, lors d'une colonoscopie ou encore lors de chirurgie de l'intestin, mais chose qu'on ne voit jamais. Il n'y a rien de tel qui a été observé. Donc, évidemment, il y a plusieurs pathologies de l'intestin qui affectent la muqueuse intestinale. Par exemple, un colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, la maladie colique, les cancers intestinaux. Mais ça n'a rien à voir avec le concept qui est proposé dans l'hydrothérapie, comme quoi on aurait une plaque muqueuse sur le bord qui fait en sorte que ça garde nos déchets à l'intérieur. D'ailleurs, le diamètre du côlon normal, c'est de 4 à 6 cm. S'il y a des substances qui s'y accumulaient au fil des années, comme le prétendent justement les hygiénistes et ceux qui se prêtent à ces vertus-là, bien l'intestin serait rapidement bouché, comme c'est le cas, par exemple, en présence d'impaction fécale, et c'est-à-dire un blocage intestinal par des excréments qui nécessitent une intervention médicale et parfois même une chirurgie. Donc souvent, peut-être, est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui est allé à l'hôpital pour se faire déboucher? Ouais. Là, on parle pas d'artère du cœur, on parle vraiment de l'intestin. Bien, oui, ça arrive, mais c'est un cas médical à ce moment-là. C'est pas tout le monde qui a besoin de se faire nettoyer comme ça. Donc, il y a certains hygiénistes du côlon qui se demandent, qui demandent en fait aux patients d'avaler des produits qui sont naturels avant l'hydrothérapie, justement dans le but d'inactiver les toxines ou d'aider la plaque mucoïde à décoller. Mais ces produits peuvent inclure, par exemple, de la fibre de psyllium, de la gomme de goire ou encore de l'argile de bentonite. Et ce sont des substances qui deviennent gélatineuses au contact de l'eau. Ça ressemble un petit peu au métamucil, ces ingrédients. Exactement. On peut donc présumer que les déchets qui sont évacués de l'irrigation ne sont pas des déchets, mais c'est simplement les résidus des produits naturels que vous venez de consommer. Ben oui. Donc, on n'a pas de preuve de l'efficacité de l'irrigation du côlon. On n'a pas de preuve que ça ait un effet positif quelconque sur un problème de santé, à part si vous avez vraiment un problème de santé au niveau des intestins qui a été décelé par un médecin. Ouais, consultez un médecin pour elle. Exactement. Et les risques associés au nettoyage de l'intestin sont nombreux, sachez-le. Il y a des cas de perforation du côlon qui causent la mort, qui ont été rapportés à la suite d'hydrothérapie. Il y a des infections aussi qui sont causées par des équipements qui sont mal stérilisés. Dans certains cas, ça l'a mené à certains décès. On a noté aussi qu'il n'y a aucune réglementation qui encadre de telles thérapies. Et le collagène des médecins du Québec... Le Collège des médecins du Québec a d'ailleurs reçu plusieurs plaintes dans les dernières années qui concernent l'irrigation du côlon. Donc, si pour ce qui est des cures là, à base de plantes médicinales, ça contient principalement des laxatifs, ce qui est sujet à plusieurs précautions contre-indications. Faites attention à ça avant de vous lancer dans un nettoyage d'intestin qui peut-être pourrait vous le faire regretter. C'est le fun parce que t'as l'impression de te sentir bien, mais c'est peut-être mental. Ben exactement. Tu te fais dire, hey, ça va être bon pour toi, ben hey, c'est bon pour moi. C'est ça. C'est bon. Hey, merci Tania. Hey, ça fait plaisir. Colin, hein, ces affaires-là, là. On aime ça. On écoute Milk and Bone, tiens, pour essayer de se vider l'œsophage. Tu sais, quand t'as des brûlements d'estomac, oui. Tu prends du lait. Hein? Oui, tout à fait. Je sais pas si c'est basique. C'est-tu bon, ça? Pour les brûlements d'estomac? Ben oui, parce que c'est, il y a rien de plus basique que du lait dans le fond. Ah, mais bref, Milk and Bone, hein, les os et le lait. Parce que j'avais pas de chanson sur les intestins. Ah, misère. Voici Nevermore. Un jour, j'aurai une chanson sur les intestins. Can't seem to breathe, running in a space. Kiss me once more before I tell the truth. Allô monde avec du pouvoir, Power, version alternative en anglais et en français. On aime bien Allô monde. En tout cas, moi, j'aime bien. Elle chante bien. Ben oui. Ben oui. Maintenant, c'est une fin d'émission. Il ne reste même pas une petite dizaine de minutes. Donc, jason un peu à rebours des Olympiques. Ben oui, certainement, c'est terminé. Oui, ben c'est ce que tu m'as dit aussi. J'ai dit, est-ce qu'on parle des Olympiques? Ben, c'est fini. Ben oui, ouais. C'est ça. C'est terminé. Par contre, les Paralympiques vont commencer dans pas long. C'est ça, 2-3 semaines d'habitude. Exactement. Tenez-vous au courant. Ben regardez-les. Oui. J'espère qu'on va suivre ça un petit peu ici. Ben aussi. Oui, tout à fait. Bon. Sinon, à rebours, bien, c'est drôle. C'est Sébastien Toutant qui a réussi à gagner du côté du snowboard Big Air. On a remporté l'or dans cette catégorie-là. Et je croyais, honnêtement, que Tyler Nicholson, Max Parot et Mark McMorris allaient faire mieux. Par contre, on a eu chute. Encore une fois, ils vantaient extrêmement beaucoup lors des finales. Je pense que Pyeongchang, ce qui va avoir vraiment marqué les Jeux olympiques de 2018, Moses, c'est la température. ça n'a pas été chose facile. Par contre, on a quand même terminé, si je me souviens bien, au deuxième ou troisième rang mondial en termes des médailles. Donc, okay. Félicitations. Pas en termes de plus d'or, là, mais en termes de médailles au total. Exactement. On a battu notre record en tant qu'équipe Canada en nombre de médailles remportées. Donc, félicitations. On en a 29, 30, si je me souviens bien. Le Canada a terminé deuxième au hockey. Donc, on a gagné oui. Le match final pour la troisième position, sachons-le. Et puis, bien, on a un Canadien qui s'est fait arrêter à Pyeongchang. C'est quoi ça? Voyons, non? Raconte-moi ça. Bien, on a fait de la vitesse dans une voiture volée. OK. Même pas rapport avec les Olympiques, là. Ah non. Ben voyons, non. Ils étaient en état d'ébriété, okay. Si j'ai bien compris, accompagnés de sa femme et du directeur de Ski Canada. Ben oui. Mais c'est pas l'athlète qui conduisait. Par contre, il était dans la voiture. Et ils ont volé la voiture. Donc, donc c'est son complice. Ça ressemble à ça. Je pense que c'est un malentendu et que ça a sonné beaucoup plus gros aux yeux des gens. On le sait que lors des Olympiques, il y a des voitures qui sont prêtées aux athlètes pour pouvoir se déplacer. Est-ce qu'on a pris la mauvaise voiture puis là, on a déclaré la voiture volée? Bon, peut-être. En même temps, c'est sûr que s'il était trois en état d'ébriété dans la voiture, c'est pas mieux. Par contre, ça l'a donné un petit peu de chaud pour la fin des Jeux olympiques, disons-le comme ça. Tu disais tantôt qu'on était en deuxième, troisième. On est officiellement troisième. C'est ça. Au total, les médailles. La Norvège est premier. Norvège en premier. Et entre les deux, c'est l'Allemagne. C'est ça. Avec 31. Exactement. Et les Allemands au bobsleigh. Ah oui? Ah, mon Dieu. Ah, ben, Colin. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Puis la cérémonie de clôture qui avait lieu dimanche hier, est-ce que tu as regardé ça un peu? Non. Tu étais occupé à autre chose. Je dormais. Ah oui? Le peu d'heures que j'ai pu dormir cette fin de semaine, je l'ai dormi entre samedi et dimanche matin. Bon. C'est-à-dire que j'ai dormi de 1h à 7h45. Ah, ouais. Ah, je te comprends, j'ai fait des... tu sais, j'avais des nuits de 3 heures, mettons, puis des journées où je dormais pendant genre 14 heures avec le rhume, là, tu sais. C'est ça. En tout cas, ou ce que j'ai, peu importe ce que Vendredi, j'ai. Vendredi, un gros 3h30, et hier soir, un gros 4 heures. N'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Hey, merci pour ce petit rebours des Olympiques, Tony. Écoute, ça fait plaisir. On souhaite que dans 4 ans, on ait des nouveaux athlètes parce que là, rappelons-le, Charles Hamelin, Marianne Saint-Gelais, c'est terminé. On a pris notre retraite. On a d'autres, Tessa Virtue et Scott Meyer, même chose. C'était leur dernière Olympique. Alors, de ce côté-là, qui est-ce qu'on va les remplacer? Est-ce qu'on va avoir des athlètes qui vont être aussi talentueux? C'est sûr que pour eux, dans 4 ans, ça va être probablement leur première Olympique. Donc, en tout cas, du côté artistique, patinage artistique, je crois que Tessa Virtue Virtue et Scott Meyer, ça va être quand même assez difficile d'aller chercher un couple qui va pouvoir les égaler au niveau canadien. Par contre, on a vraiment mis le Québec sur la map et un petit coin de Montréal pendant que deux des chorégraphes chorégraphiaient 17 des équipes qui étaient là aux Jeux olympiques. Donc, on s'est rendu compte, en fait, que Tessa Virtue et Scott Meyer avaient une équipe de chorégraphes assez incroyable. Merci. C'est ça, donc, les prochains Olympiques d'hiver dans 4 ans. Donc, les prochains d'été, c'est dans 2 ans et demi. Oui. Parce que là, ça vient juste d'avoir lieu l'été passé, là, 2 ans. Hein? C'est ça. 1 an et demi, puis ça, c'est 2 ans et demi. Et 2022, ça sera Beijing. Oh! Oui. Intéressant. Voilà, ça va être tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. On va terminer ça là-dessus. On a réussi à remplir nos 3 heures malgré le manque de chroniqueurs flagrants aujourd'hui. Ben voyons! On remercie pas Léa Tessier, non, pas Marc Gagné et pas Marc Lachance. Mais ils seront de retour parmi nous la semaine prochaine et on les apprécie quand même malgré leur absence pour différentes raisons. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. Demain, l'émission mardi. Mardi matin, Marc-Olivier Dumas. Marc-Olivier Dumas va être là pour nous parler encore un petit peu de sport dans Sport Effiloché. Peut-être va-t-il parler lui aussi des Olympiques, on verra. Peut-être. À 8h30, Dominique Nodemavougou pour Voix d'Afrique et les nouvelles du continent africain. Et puis à 9h, Jimmy Thibodeau va déboulonner les nouvelles de la gauche dans sa collègue gauchère bien vue. Voilà, c'est demain entre 7h et 10h sur nos ondes, plus tard aujourd'hui. À midi, c'est dans ta face en rappel. À 13h, rediffusion de rock classique. Et à 20h, retour en direct pour Rock de Neuron avec du rock progressif. C'est donc aujourd'hui, CIF.ca. Pour la programmation complète, assemblagerequis.com. Pour les notes de l'émission, les balados de diffusion, on se quitte avec une pièce de Death of Lovers. Mais non. Avec Orphans of the Smog. C'est les gens qui sont laissés derrière après les Olympiques. Là. Ils sont orphelins du... Oui, de médaille. Du smog, là. Mais ouais, c'est ça. Quelque chose. Faites votre propre lien. Tristesse. À demain. Bye. Bon café, tout le monde.